Bonsoir chers auditeurs, ce n'est pas l'émission de Christine et Lucienne que l'on remercie de nous laisser leur créneau, mais bien une sorte d'ersatz de Dataplex qui commence ce soir dès 20h30. Et vous êtes bien en direct de Radio Galère. Mannschaften, the main event, die Meister, die Besten, les meilleures équipes, the champions, die Meister, die Besten. Les meilleures équipes de Champions. Et oui, bonsoir très chers auditeurs, vous êtes donc bien en direct de Radio Galère sur 88.4. Bienvenue dans le premier numéro de Débattons dans Guirou, qui comme sa grande sœur Débattons dans les roues sera consacré au débat et à la recherche de vérité. Mais cette fois-ci centré sur le football. Ici Manuel Amor. Ici Brett Sinclair. Ce soir, nous sommes réunis à l'occasion du match retour de la Coupe d'Europe des clubs champions qui oppose l'Internazionale Milan, actuel vice-champion d'Italie, à l'Olympique de Marseille, deuxième du dernier championnat de France et tenant du titre de la Coupe de la Ligue. Et pour nous accompagner ce soir, un dispositif de classe, cher Brett. Un dispositif de super classe. Le docteur Le Mann, ancien chorégraphe reconverti dans la géopolitique du football, qui n'est pas encore arrivé, mais qu'on attend. Emmanuel Benz, notre invité de prestige, poète, performeuse, plasticienne, que l'on vous présentera plus amplement à la mi-temps du match. Et en direct de Giuseppe Meazza, que nous allons joindre dans quelques instants, nos deux consultants de choc, le shérif Bradley Morel, spécialiste, qui sera accompagné d'Abdelkarim Magic Dwima, dit l'homme au crochet magique. Alors, shérif Morel, vous nous entendez ? Alors, je vous entends mal, messieurs. Je ne sais pas si vous-même vous nous entendez. C'est une ambiance du tonnerre ici à Giuseppe Meazza, qu'on appelle parfois San Siro quand c'est le Milan qui reçoit. C'est absolument fantastique, une belle cohorte de supporters de l'Olympique de Marseille qui sont là. Je vous entends mal, messieurs. On vous entend très bien, par contre, vous pouvez continuer si vous voulez. Et écoutez, juste pour vous dire que mon camarade est coincé à la buvette, un petit Chianti merveilleux ici est servi aux journalistes. On essaiera de vous en ramener deux caisses comme on avait peut-être qu'il ne faut pas le dire à l'antenne, mais bon, tout se passe bien pour l'instant et mon camarade devrait pas tarder à arriver d'ici quelques temps. Et alors l'état de la pelouse ce soir, parce que c'est important je crois. Hein. C'est important, la température est assez douce ce soir à Milan. On revient d'El Giorgio qui est un petit café qui se trouve à quelques pas du stade où nous avons passé à peu près 12 heures avec Karim pour prendre un peu la température. Et la pelouse à côté du café était vraiment très très bonne et je crois que sur le terrain on a affaire également à une pelouse de ce type plutôt de bonne facture. Très bien, très bien. On va peut-être en profiter avant le coup d'envoi, qui devrait, je pense, être d'ici une dizaine de minutes, peut-être. Oui, à peu près, oui. À peu près. Faire un retour rapide sur le match aller. Shérif, vous qui étiez présent au Vélodrome lors du match aller, on a senti une équipe de Marseille très bien en place défensivement, qui a tenté des choses et qui a fini par l'emporter au bout d'un suspense haletant. Mais est-ce que vous pensez que ce soir, elle va pouvoir rééditer une telle performance ? Alors tout d'abord, le Chianti au Vélodrome est quand même beaucoup moins bon qu'ici à Giuseppe Meazza et il faut quand même le dire, ce qui fait que pour nous, Karim et moi-même, le match avait été difficile à tenir jusqu'au bout. Malgré tout, ce but, vous vous en souvenez, d'André Ayou à la 94e minute nous avait libéré, le champagne était sorti des cachettes, hein, je crois qu'il faut savoir le dire, c'est difficile en ces temps de crise, mais... mais il faut l'accepter. Et donc, c'était beaucoup plus facile pour l'après-match. On peut parler de la composition, peut-être. Mais j'allais vous le dire. Alors, du côté de l'Inter, quelle formation est-ce qu'on va retrouver? Alors, on est dans un mélange trois quarts gamet avec un petit pot de Pinot. C'est plutôt une bonne composition. Sinon, pas vraiment beaucoup de surprises. On a Julio César dans les buts, bien sûr. Avec Samuel, qu'on salue d'ailleurs. Salut Sam. Salut Samuel, ouais. Et puis Lucho, l'autre Lucho. Donc ça, c'est la charnière centrale. Maicon côté gauche et Nagatomo, qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau-là de la compétition, de l'autre côté de la défense. Et puis au milieu, un milieu assez classique, hein, avec Stankovic, Zanetti, Poli et Schneider qui revient bien, hein, qui a fait un gros match dimanche dernier. C'était contre le Kievo, mais quand même. Et puis devant, une doublette d'attaque que qu'envie à peu près les trois quarts de l'Italie, à savoir Milito et Forlan. Bon, alors on peut gloser, on peut se moquer. Effectivement, c'est pas la meilleure saison de nos deux compères, mais ils sont quand même, ils l'ont la coupe aux grandes oreilles, hein, me semble-t-il. Et du côté de Marseille, alors, du coup. Du côté de Marseille, je tenais à saluer Sonia, que j'embrasse, le vicomte et le président qui nous écoute, bien sûr. On aura peut-être d'ailleurs en ligne tout à l'heure, hein, le président, on espère. On espère. Normalement, il est au bar, on va pas citer le nom, mais il est là pour un peu savoir quelle est la température chez nos amis supporters. Très bien, il va serrer des mains, j'espère. Et j'espère qu'il va serrer des mains, ouais. Donc Loïc Lérémy en pointe, André Ayou qui revient, hein, on espère avec son épaule correctement remise sur l'aile gauche. Mathieu Valbuena en directeur du jeu. Morgan Amalfitano qui avait été longtemps incertain. Et puis derrière c'est les gros, hein, à savoir Romain Cuvillier et Stéphane Mbia et Alou Diarra en récupérateur. Ce bon vieux Jérémy que je salue aussi. D'ailleurs, je tiens à te dire, Jérémy, que si tu pouvais me rendre les clés de la caravane pour cet été. Donc Jérémy Morel à gauche, en défense à gauche, César Azpilicueta sur la droite, et puis Nicolas Nkoulou et Souleymane Diawara, ça va envoyer du gros en charnière centrale. Et puis bien sûr, Steve. On dit pas Steve, hein. C'est bien Steve. On dit Steve. On a l'impression que Didier Deschamps a vraiment densifié son milieu de terrain, mon cher Brett. Est-ce que vous pensez que c'est la solution? Est-ce qu'il faut, vous pensez qu'il va falloir déjouer ce match pour peut-être le gagner? Je dirais que plus que le déjouer, il va falloir le jouer, surtout le jouer à fond. Et la présence d'un lourd milieu de terrain complet, pour une fois, c'est quand même pas toujours le cas. Avec deux bons récupérateurs, Mbia n'était pas là à l'aller, il me semble. C'est exact. Je pense que ça peut faire la différence. Diarra avait fait un match à peu près correct. Oui, mais il y avait, je crois me souvenir, Benoît Chéroux qui avait été. Il y avait Chéroux qui avait été très bon, c'est sûr. Mais le retour de Valbuena, d'Ayou et d'Amalfitano, enfin les trois ensemble, ça peut donner quelque chose. Shérif Morel, je crois que le coup d'envoi vient d'être donné, donc c'est parti, hein, pour ce huitième de finale retour de la Coupe d'Europe des clubs champions. Je vous entends mal, mais je tiens à vous dire que le coup d'envoi vient d'être donné et que c'est parti pour ce huitième de finale retour de la Coupe d'Europe des clubs champions, autrement appelée la Champions League, évidemment. Et ça joue plutôt bien dès le départ, les Milanais sont entreprenants, le Chianti commence à faire son effet, tout va pour le mieux. Faute du match, quand même. Ils ne passeront pas leurs vacances ensemble, ces deux-là, ouais. Alors, on peut juste dire que, quand même, Marseille arbore un maillot. Moi, je suis daltonien, mais il me semble bien orange. Il me semble bien orange. Est-ce que ça peut aussi leur porter chance, mon cher Brett? En tout cas, on va les voir, ça, c'est certain. Je le vois presque rouge, mais je sais pas, au stade, ça donne quoi? C'est orange ou c'est rouge? Je ne vous entends pas très bien, mais je dois vous dire que les Marseillais arborent un maillot qui est orange et qui ressemble un peu à du presque rouge. Alors qu'on vient d'avoir une petite frappe là. On a la première frappe du match, ouais, par Mathieu Valbuena. Alors l'Inter de Milan repart à l'attaque. Le ballon est au milieu de terrain. Alors Zanetti, tiens. Ouais. Hop là, une petite balle en... Hop là, balle à une tête. Zanetti, 38 ans quand même. Ouais. Alors Javier Zanetti, nous l'avons vu sur Wikipédia cette semaine, fait exactement quand même partie des joueurs emblématiques de l'Inter de Milan. Hein. C'est un joueur qui est depuis 1995, je crois. Je crois que c'est ça, on avait calculé à peu près 17 ans, c'est ça? 17 saisons au service de ce club, avec beaucoup de succès, et quelques déboires aussi. Hein, quelques déboires. Ouais. Et alors, bon... vu que le match est lancé, je crois, cher shérif, on va reprendre la main un petit peu et puis on reviendra au stade et on attend, j'espère, Magic Dwima au plus vite pour vous accompagner. Et peut-être que c'est le moment de parler d'autre chose, on mon cher peut, Brett. Oui, alors... On va peut-être lancer un sujet donc par rapport au match aller, un sujet qu'on avait enregistré dans un bar de la rue d'Izoard, dont j'ai oublié le nom, peut-être... C'est le bar Izoard. C'est le bar Izoard, tout simplement. Donc c'était à l'intérieur du bar, c'était avec des supporters présents, et on a enregistré un son qu'on va vous mettre maintenant peut-être. Et on enregistre quand même, on enregistre l'arrivée du docteur Lehmann. Bonsoir docteur. Bonsoir docteur. Bonsoir à tous. Installez-vous, mettez-vous à l'aise. Désolé. Hein. Pris dans les bouchons, je crois. Hein. Bouchons, un vieux classique. Ouais. Vélodrome inaccessible ce soir. À Giuseppe Meazza. Voilà. Alors on lance le sujet sur le match aller pour voir un petit peu quelle était l'ambiance lors de ce match aller. On est sur une gamelle dans la compagnie. Tu fais juste ça. Elle est rentrée. C'est la bouche, je m'attends. C'est la ligne. C'est la ligne. C'est la ligne. sur Lucio. Lucio a compris, il n'a pas laissé le petit. Allez, donc c'était un retour sur le match aller. On va revenir à Giuseppe Meazza. Shérif, est-ce que vous nous entendez? Ah, on va peut-être d'abord oui. Faire intervenir Dr Lehmann. Dr Lehmann, vous êtes parmi nous, docteur. Oui, excusez-moi pour cette arrivée tardive. Je finissais quelques chorégraphies, mais maintenant je suis tout à vous pour essayer de vous faire vivre avec grand plaisir cette ce huitième de finale, ce quart de finale, ce huitième de finale, retour de la Ligue des Champions en direct de Giuseppe Meazza, bien sûr. Voilà, donc. Shérif, est-ce qu'il s'est passé des choses à Giuseppe depuis tout à l'heure? Alors je vous entends mal à la, je vous entends mal hein. Ici à la buvette, ici à la buvette de Giuseppe Meazza, il y a eu un mouvement de foule à un moment, et alors heureusement qu'il y a des écrans de contrôle pas très loin du comptoir, et on a pu voir un super barret de monsieur Steve hein, El Magnifico, El Fantastico, et oui, sur un peu une mésentente dans la défense. Je ne peux pas trop vous dire quels étaient les joueurs orange ou rouge qui. Oh là là, on revoit le ralenti. Est-ce actuellement qu'on peut pas dire que Steve Mandanda est vraiment rentré dans son match, cher Brett, cher Chéri, cher docteur? Je crois que Mandanda disait dans l'équipe aujourd'hui qu'il fallait se surpasser. Je crois qu'il est dedans. Je ne vous entends pas bien, mais je crois que Steve Mandanda a dit dans l'équipe aujourd'hui qu'il fallait se surpasser, et je crois qu'il est dedans. Ouais. Je crois que c'est le moment de dire que la domination territoriale est interiste. Si on parle de territoire, on parle Dr Lehmann. Ah bien sûr, là, bon, moi je viens à peine d'arriver, hein, mais bon, pour l'instant c'est assez clair, on a une domination très nette des Nerazzurri, hein, les Nerazzurri, donc les Noirs et Bleus, donc l'Inter de Milan, hein, on ne va pas non plus épiloguer sur ce sujet. En revanche, moi je m'interrogerai tout de même sur le port de ces couleurs un peu saillantes, ces couleurs rouges, l'Olympique de Marseille, on a rarement vu tout de même l'Olympique de Marseille porter ces couleurs-là. Je connaissais le maillot or de la Ligue des Champions, le maillot rouge, bon je ne sais pas exactement ce que ça signifie, donc à mon avis, je pense qu'il faudrait penser pour la demi-finale retour à ne pas arborer ce type de couleur. Voilà. Quant au territoire, il est partagé, non ? Il est partagé. Bon, le territoire, à chacun son heure. Brett, on peut peut-être repartir sur du commentaire en direct avec le shérif. Qu'est-ce qui se passe à Giuseppe? Brett, allez-y. Je vous entends mal. Je sais que vous nous entendez mal, mais on va peut-être lancer du commentaire en direct. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors ici, c'est le territoire est partagé. Hein. Je dois bien vous dire qu'avec mon confrère de la RAI, on est en train d'essayer de se prendre vraiment la place adéquate au comptoir de la buvette de Giuseppe Meazza. Et la pelouse est bonne. Et le Chianti est décidément très très bon. On peut voir assez vaguement sur les écrans de contrôle que Samuel a l'air de bouger un petit peu dans la surface et partage lui-même le territoire. Et d'ailleurs, on le salue, Samuel. On salue Samuel. Alors, coup franc. C'était un peu nul, ça. C'est bien défendu. Ouais. On a quand même une défense solide. Hein. C'est vrai qu'ils se sont fait passer devant quelques fois. Enfin, moi, je viens d'arriver, donc j'ai pas tout vu. Mais on a des défenseurs qu'on peut qualifier de couillus, je crois. Oui, tout à fait, cher docteur. Alors, le terme couillu est un terme... Bon, heureusement, on n'est pas le 8 mars, parce que... Le 8 mars dernier, rappelons-nous, il n'y avait pas de football. Voilà, c'était la journée de la femme. Alors, il peut y avoir du football le jour de la journée de la femme, oui, tout à fait. Et je vois où vous voulez en venir, docteur, mais on en parlera tout à l'heure. Ceci dit, il me semble bien que le terme de couillu est un petit peu... Alors que là, on lève les bras. Là, on lève les bras, coup franc. Franc, je crois que notre ami extra-européen a commis une faute là sur Amalfitano. Qui tire les coups francs à l'OM lors de Shérif, qui tire les coups francs à l'OM pour ce match retour de 8e de finale? Alors je vous entends mal, mais je crois que notre ami extra-européen vient de commettre cette faute absolument inadmissible, à la limite du carton rouge. L'homme qui tire les coups francs, au cas où vous vous posez la question, à l'Olympique de Marseille rouge ce soir, eh bien c'est Mathieu Valbuena qui tire le coup franc, qui a tiré ce coup franc. Ce coup franc a été tiré. Est-ce que Brandao ne va pas manquer dans la surface, mon cher Brett, aujourd'hui, pour les coups de pied arrêtés, un petit peu faire le ménage, comme on dit? Il va certainement manquer. En même temps, pour marquer des buts, on n'est pas sûr que c'est un long débat qu'on pourra peut-être aborder plus tard, le cas Brandao. Je pense qu'il y a quelques brandaïstes autour de cette table. Certainement, oui, je suis moi-même peut-être en partie brandaïste, mais je suis content du retour de Rémi, quand même. Moi, je tiens le lien. Oui, c'est vrai qu'on enregistre le retour de Loïc Rémy aujourd'hui. Loïc Rémy qui revient d'une blessure un peu bizarre, un petit peu étrange, une blessure peut-être un petit peu... C'est simulé. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Moi, je voulais revenir sur le cas Brandao. Bon, on y reviendra peut-être plus tard, mais c'est vrai que... On peut lancer le débat Brandao, c'est toujours un débat. Souvenons-nous tout de même que, étymologiquement, Brandao signifie... en brésilien, donc en portugais, l'éclair, l'étincelle, et on aimerait ce soir qu'il puisse faire parler la poudre. Car il sait la faire parler. C'est tout de même un surnom qu'il porte. Vous pensez qu'il va rentrer un moment, peut-être? J'espère le voir rentrer éventuellement pour une période de prolongation. Et pourquoi pas le voir tirer un tir au but, tir au but victorieux. Une panenka, peut-être, une panenka brésilienne. Une panenka Brandao. Voilà, ça serait très très beau. On repart peut-être au stade, non peut-être pas, mais il me semble qu'il y a un coup franc dangereux là pour l'Inter de Milan. Ici, on vous entend vraiment mal, hein, mais on vient d'avoir un coup franc dangereux pour l'Inter de Milan qui était dangereux et qui n'a rien donné, si ce n'est une contre-attaque rouge, et finalement ça n'a non plus rien donné. Mais on vous entend mal, hein, on vous entend très mal. Je crois que l'extra-européen vient de recommettre une faute sur le jeune Valbuena. Grand-chose non plus, hein, visiblement, c'est pas saignant. Je rappelle qu'on a le droit à 5 extra-européens dans les équipes de Ligue des Champions, hein, depuis la réforme de l'arrêt Bosman en 93. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être aussi un petit peu pour une fois pour toutes définir la couleur du maillot de l'OM, parce que moi tout à l'heure j'ai parlé de orange et vous avez l'air de parler de rouge. Je suis daltonien, j'aimerais qu'on me dise une bonne fois pour toutes quelle est la couleur de ce maillot. Je crois qu'au stade, donc en direct à Giuseppe Meazza, on parlait de orange. Mais Shérif, en même temps, Alors écoutez, je vous entends un peu mieux. Je vous entends un peu mieux. Vous me parliez de jus d'orange. Ici, on est plutôt sur le rouge. Hein. Vraiment, c'est plutôt le Chianti qui fait office. Tout se passe bien. Donc bon, vu qu'il se passe par contre pas grand chose au stade, on peut peut-être passer une petite plage musicale alors. Hein, Je vous entends mal à nouveau, mais je me disais que vu qu'il se passe pas grand chose au stade, on pourrait peut-être passer une petite plage musicale. Ouais, Brett, qu'est-ce que vous nous avez. Bien, écoutez, on va écouter, je pense, Tango Whiskey Man du groupe Cannes. Parce que, yes, we can ce soir peut-être. Allez, c'est parti. Eh bien, merci cher Brett pour cette première plage musicale. Moi, j'ai beaucoup aimé le moment où il y a eu un petit coup de cymbale. Et c'est juste à ce moment-là qu'il y a eu, je crois, une faute sur Loïc Rémy. Juste à ce moment-là, à peu près, à peu de choses près. Ça me semble exact. Ouais, exact. C'était un joli coup de cymbale. Ouais, vraiment bien vu. Beaucoup de cymbales. Qu'est-ce qu'on se dit maintenant ? On retourne peut-être... On on peut retourner au stade. Oui, il faut quand même souligner la performance de notre ami Steve Mandanda, il est phénoménal, hein. Je crois que vous l'avez déjà fait à plusieurs reprises, mais je pense qu'il est important d'insister là-dessus. Le dernier rempart des Phocéens, ce soir, est plutôt à l'honneur, et nous sommes fiers de le compter parmi nous. Donc, effectivement, on peut revenir avec Giuseppe Meazza, mais il est important tout de même de souligner la capacité qu'ont ces joueurs marseillais à se transcender dans une entre qui n'est pas forcément la plus amicale. Hein. Giuseppe Meazza, alias San Siro, on le connaît. Hein. C'est, ça a souvent été un cimetière pour les équipes françaises, donc on espère que ce soir, ce ne sera pas le cas. Merci, docteur. Giuseppe, shérif Morel, alors shérif, où est-ce qu'on en est ? Alors là, je vous entends mal, hein, je tiens à vous le dire, mais alors ici, on souligne surtout la performance d'El Fenomeno, et on espère, côté italien, quand même, que ce stade de Giuseppe Meazza, du quartier San Siro, et qui est appelé San Siro seulement quand le Milan joue, mais silence, hein, attention, pas ce soir, et bien surtout, on espère que ce sera un vrai cimetière pour une équipe française une fois de plus, car ça a été souvent le cas ici. Alors, je crois que pour les néophytes, il serait peut-être bon de revenir sur cette histoire de Giuseppe Meazza, San Siro. Brett, vous pourriez peut-être nous expliquer un petit peu, parce que le shérif Morel au stade nous dit quand le Milan joue, mais le Milan, qui est le Milan ? Qu'est-ce que le Milan ? Brett, dites-nous. Alors, qu'est-ce que le Milan ? Je crois que je vais pas être la meilleure personne pour vous répondre, mais je crois que tout simplement quand le Milan a ses joues, on appelle cela San Siro, et quand l'Inter de Milan joue, c'est Giuseppe Meazza. Mais je crois qu'il y a des gens qui se sont peut-être plus penchés sur le sujet. Donc il y a deux clubs hein, qui occupent le même stade à Milan, ce serait ça, le Milan AC qui roue les Rossoneri, hein, comme on les appelle, donc les rouges et noirs hein, qui jouent à San Siro, et ce même stade s'appellerait Giuseppe Meazza pour les Nerazzurri. Il y a une rivalité historique entre ces deux clubs. À Milan, bon, on connaît bien le Milan AC, son patron charismatique, hein, Silvio Berlusconi, qui hélas a quitté la scène politique. Pour l'heure, nous sommes passés à l'Inter de Milan, donc nous nous contenterons de ça. Mais tout de même, ces deux clubs qui partagent un certain nombre de scudetto, je pense une dizaine chacun, je ne me suis pas souvenu exactement des termes. On pourrait même être à la vingtaine dépassée pour l'un des deux, puisque je crois bien que l'un des deux, je ne sais plus lequel, je vous l'avouerai, arbore deux étoiles sur son écusson. Ce qui voudrait dire deux dizaines de scudetto. Oui, à moins que qu'on soit en Ligue des Champions et que ces étoiles représentent uniquement les Coupes d'Europe, je ne sais pas. Hein, ça pourrait vouloir dire qu'on est mal informé. Ça pourrait dire ça, mais on a des difficultés parfois. Voilà, c'est vrai. Mais bon, des auditeurs peuvent éventuellement nous reprendre si jamais... Il pense être plus à même que nous de commenter ce match. Alors, il pourrait bon, cher Brett, puisque vous le connaissez par cœur, de rappeler le numéro de Radio Galère au cas où. Je vais vous le rappeler tout de suite, mais je vais avoir besoin de quelques signaux. Mais je peux le rappeler pour que les auditeurs donnent leur avis. Mais on va tenter un rébut, oui. Alors, on va peut-être mettre à contribution toute l'équipe présente. Je pense que ça doit commencer par un 0. Ça va commencer par un 0, ça, on peut en être sûr. 0-4. Un 6 moins 2, oui. Alors 0-4, donc on est d'accord. Ensuite, cher Brett. On va avoir un 10 moins 1, 2 moins 1, qui nous fait un 0-4-91. Ensuite. Alors, racine carré de 0. Zéro. Impossible. Très dur impossible à calculer. Ah bah merci. On va avoir un 2x4 qui va nous faire un 8. Ouais. On est donc sur un 0-4-91-08. Ensuite, on est dans le. C'est quoi la Drôme ? La Drôme peut-être, non ? Non, mais c'est même pas du tout la Drôme. L'Eure-et-Loire. Oh là là, la Drôme, c'est deux de moins. Non, c'est deux de plus que la Drôme, pour ceux qui connaissent mieux la Drôme que l'Eure-et-Loire. Mais par contre, il faudrait qu'en technique, on enlève cette vieille flèche blanche de numéro, parce que... Ah, c'est un 10 pour finir, ben voilà, on le savait pas. Alors du coup, docteur... Ce qui nous fait, alors... Bon, le compte est bon. Je peux récapituler, donc 0-4, 91, 0-8, 28, 10. Voilà, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos réactions sur le terrain, sur les coulisses, éventuellement, hein. Et peut-être sur le fond, hein, on évoquait tout à l'heure ces tristes histoires de Scudetto. Donc si quelqu'un pouvait un petit peu nous soulager. Ici, nous sommes un petit peu distants de l'Internet, donc nous ne savons pas très bien. Voilà. Mais... Alors... Le Milan est un oiseau rapace, diurne, à queue fourchue, de la famille des Falconidés. C'est un message à caractère informatif qui nous a vraiment bien informés. Ça me rappelle ce monsieur Milan qu'on retrouve dans Le Grand Blond, à la chaussure noire. Tout à fait. Monsieur Milan, personnage intéressant. Est-ce que c'est pas Jean Rochefort qui incarne... Ah non, Je crois que c'est le second de Jean Rochefort, celui qui se retourne finalement contre Jean Rochefort, au plus grand plaisir de notre ami Pierre Richard. Je crois qu'on approche la demi-heure de jeu, si on n'y est pas déjà. Est-ce qu'on peut faire un premier état des lieux de cette première mi-temps, à la demi-heure de jeu, du coup ? On va certainement essayer de faire un état des lieux. Donc, qui veut commencer à faire un état des lieux, sachant que... On peut peut-être aller au stade, un petit peu reprendre la température. Ça chauffe un peu, ça chauffe pas. État des lieux de la première demi-heure de jeu. Alors, je vous entends très mal ici, mais on peut faire un état des lieux par rapport à cette première de jeu que l'on atteint bientôt. Et on peut dire que ça chauffe pas, ça chauffe moins, ça chauffe. Ça chauffe moins, ça chauffe pas. Ici, par exemple, un penalty aurait pu être accordé. Il faut savoir que le Milan est un oiseau diurne et que Giuseppe Meazza est un joueur qui a joué à l'Inter de Milan et au Milan. On dit pas le Milan assez, hein. Ici en Italie, on dit plutôt le Milan. Et le stade donc s'est appelé Giuseppe Meazza à partir de 1980 puisque Giuseppe est mort en 79. Et il faut savoir également que c'est plutôt les interistes qui appellent le stade Giuseppe Meazza, bien que le joueur ait joué dans les deux clubs, tout simplement parce que Meazza a été tarifié plutôt quand il jouait sous les couleurs de l'Inter. Et sinon, le bilan, c'est que ça chauffe et que ça chauffe moins parfois. On a vu, je crois, hein, cher Brett, cher docteur, Didier Deschamps un petit peu interloqué par l'arbitrage. Et est-ce qu'il y avait pénalty ? Est-ce qu'il n'y avait pas pénalty ? Oui, il y avait pénalty. Oui, en tant que Marseillais, il y avait forcément penalty. En plus, André Ayew a l'air d'être un petit peu touché. En tout cas, il sort sur civière à première vue. Donc, on peut estimer qu'il y avait penalty. Bon. Bah oui. Alors, il y avait donc sans doute penalty. Je crois qu'il faut qu'on enchaîne, les petits gars. On a peut-être un coup de fil, hein. On a un coup de fil, on a un auditeur. Alors, allons-y. C'est bien. C'est parti. Oui, oui, oui, allô ? Oui, bonsoir. Alors, j'ai écouté l'émission et j'aurais aimé savoir, en fait, c'est vraiment une question plutôt rhétorique et de manière générale, mais c'est la coupe de la Ligue, mais c'est la coupe de la Ligue de quoi, en fait ? Alors, c'est juste ça. Votre prénom, s'il vous plaît. Comment vous appelez-vous ? Moi je suis Joe le Corbeau. Joe. Et votre réponse c'est ? Moi, j'ai pas envie de donner non plus. Vous connaissez pas le montant de la valise ? On vous a perdu, Joe ? Joe ? Allô ? Allô, bonsoir. Oui. Joe, la question. Votre question ? Alors, la question. Oui, c'est la coupe de la Ligue. Et la Ligue de quoi ? Alors, c'est la Ligue du Nord, peut-être. La Ligue du Nord, est-ce qu'on en a parlé ce soir, de la Ligue du Nord ? pas de confusion trop rapide non plus. Hein. La Ligue du Nord, donc ce parti qui n'est pas de sinistre mémoire, puisqu'il est encore... Il est encore au pouvoir dans certaines régions de Lombardie, donc du nord de l'Italie. Ne pas confondre donc la Ligue du Nord au relent xénophobe avec la Ligue des Champions. La Ligue des Champions qui est une compétition qui se propose tous les ans d'accueillir des équipes de toute l'Europe. On voit que cette année, par exemple, elle a fait briller la Pouelle Nicosie, un petit pays. Elle a rendu célèbre, elle a rendu très certainement heureux des milliers, et non pas des millions, mais des milliers de Chypriotes. Donc la Ligue des Champions, c'est plutôt l'œcuménisme. La Ligue du Nord, pas grand-chose. Voilà, Monsieur Joe, ce que je pouvais répondre. Mais peut-être que mes collaborateurs ont autres choses à évoquer. On voulait peut-être éventuellement parler de football, en fait. Voilà, tout simplement. Ce soir, on voulait éventuellement... Oui, shérif, il y a une actualité, là, en direct de la pelouse. Alors, je vous entends mal, ici, au stade, juste pour vous signaler que... ici une banderole de la Ligue du Nord vient d'être déployée au comptoir de la buvette de Giuseppe Meazza et on ne salue pas nos amis de la Ligue du Nord qui sont en train de faire une razzia terrible sur le Chianti. Il n'en reste quasiment plus. Voilà, je tenais à vous le dire, c'est le fait marquant de cette première mi-temps. On va peut-être récupérer Magic Douima du coup alors. On espère, mais rien n'est moins sûr et je vous entends mal. Alors, cher Brett, puisqu'on a, on approche de la mi-temps doucement, mais c'est peut-être le moment de parler de football de terroir, un peu, hein. Du vrai football de terroir, comme l'annonçait il y a quelques semaines le docteur Lehmann, concernant la DH. La DH, ça serait le vrai football? Ah, la DH, la division d'honneur. Vous voulez donc parler de cette division qui se situe entre la DRH et la PH, c'est ça? Exactement. Exactement. Tout à fait. Près. Oula, Damien Ravnich était en direct de Giuseppe Meazza. On a Damien Ravnich en tribune qui s'était rasé la moustache. Ouais, tout à fait. Pour ceux qui l'avaient vu avec la moustache. On en était où? Alors moi je vous propose un petit peu, de, si vous le voulez bien, mes chers auditeurs et chers confrères, de revenir sur un match important qui comptait donc pour la 16e journée de promotion de première division, le groupe D, du district de Maine-et-Loire. En régie, je vais donc faire appel à la régie parce qu'il va s'agir de passer un truc qui s'appelle les petits bleus. Alors, c'est un terrain comme il en existe beaucoup, loin, très loin de Giuseppe Meazza. C'est le stade municipal de Gênes, dans le 49. Eh oui. De Gênes. Gênes, G-E-2-N-E-S. Et voilà, juste une prise d'ambiance, un match entre l'entente sportive Gênes-Rosier et Auléon. Et c'est un reportage d'Anne-Claire Andreau. T'es obligé d'en remettre, hein. Un rouge, deux rouges. Henri, deux rouges. Henri, pas arrosé. Pas tout payé ici. Il paye des maillots déjà. Il n'a rien vu du tout. C'était que dans le rouge, quoi. Dans le rouge. C'était dans le rouge. Ah, quelle différence c'est entre le rosé et le rouge pour l'estomac? Oh, bah le rouge, c'est un fricot, c'est pas rigolo. Eh bien, merci Anne-Claire Andreau pour ce reportage de terrain. Je suis de ceux qui pensent qu'on avait là, un petit peu loin des salons chauffés et des petits fours, l'ambiance du vrai football, celui qu'on aime voir tous les dimanches. Voilà, moi je suis de ceux-là. Pour autant, j'aime bien être avec vous à regarder ce très bon match de Coupe d'Europe. Qu'est-ce que vous en pensez, les copains ? Moi, je considère aussi que la pratique d'un sport comme le football est vraiment quelque chose d'important pour l'entretien du corps. Je pense que c'est fondamental. Le dimanche, ça pose quand même certains problèmes d'ordre étiologique, par exemple. Il est vrai que très souvent, notamment dans le Maine-et-Loire, on se prend le samedi soir ce qu'on appelle une caisse. La traditionnelle cuite du samedi soir. Donc je suis pour le vrai football, oui, certes, mais attention, le vrai football, c'est dangereux pour la santé. Donc voilà, je pense qu'un bon écran de télévision, même un streaming, hein, peut-être que ça pose problème au niveau des yeux, mais d'un point de vue sanitaire général, c'est bien aussi. Donc à mon avis, les deux footballs sont conciliables. Merci docteur. Je voulais juste rappeler que le match dont on vient d'entendre un petit peu l'ambiance, dont on vient de humer le parfum, comptait pour la 16e journée du groupe D de promotion de première division du district de Maine-et-Loire, et que l'entente sportive Gênes-Rosiers, qui recevait au stade municipal, avait battu, on l'a entendu dans le reportage, le club de Auléon par le score de 1-0. Brett, je vous laisse la parole. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va peut-être revenir un petit peu sur le match, voir ce qui se trame à Giuseppe Meazza, si le shérif est sorti de la buvette. Moi, j'avais tout de même une interrogation au risque de vous couper, mon cher Brett. Coupez-moi. Je vous coupe. Coupez-moi. Je vous coupe. Très bien. J'avais une interrogation concernant cette première division de promotion de ligue. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Moi, j'aimerais me référer à un niveau national, peut-être, sans faire non plus l'étalage de la hiérarchie des divisions. Mais on peut le faire, mon cher docteur. Mais peut-être pouvez-vous y essayer. Si vous voulez, le football se pratique à plusieurs niveaux. Il y a le niveau du district, qui est le niveau inférieur des ligues. La Fédération française de football. Encore une ligue. La Fédération française de football. Je crois que Joel Corbeau va commencer à. Mais la ligue de quoi ? Derrière son téléphone. La Fédération française de football est divisée géographiquement en plusieurs ligues. Le Maine-et-Loire ainsi que certaines zones alentour composent une ligue très proche de la Ligue Atlantique que nous pratiquâmes moi-même ainsi que non. Le shérif Bradley pratiquait la Ligue de Bretagne de football. Moi, j'ai pratiqué la Ligue Atlantique. Bref, à un niveau inférieur de la ligue, il y a ce qu'on appelle les districts. C'est une sorte de circonscription à l'intérieur de la ligue. Et à l'intérieur de ce district, il y a plusieurs divisions. Il y a la première division, la seconde et la troisième. Et il y a des divisions intermédiaires, la promotion de première division, division à laquelle participe le club de l'entente sportive Gênes-Rosiers, voilà, qui recevait donc le club de Auléon dimanche dernier pour le compte, je le rappelle, de la 16e journée de championnat du groupe D. Merci pour ces précisions. Belle précision. On retourne au stade peut-être quand même. Il se passe des choses. Je crois qu'il y a des fautes à tour de bras. Je vous entends mal. Hein. Je tiens à le dire ici. Un fait de jeu scandaleux. Pourtant un club qui est cher à mon cœur, l'Entente Sportive de Gênes Rosiers. Eh bien, son ancien trésorier vient devant moi de me doubler alors que je commandais seulement mon 14e Chianti. Et bon, on a failli en venir aux mains. Heureusement, l'arbitre de la buvette est intervenu. Un certain Giuseppe, justement. Et bon, tout c'est bien fini. Les protagonistes ont été renvoyés chacun dans leur coin, mais c'est quand même assez tendu. Et j'en profite pour saluer tous nos amis de la promotion d'honneur du district du Maine-et-Loire notamment. Et on embrasse Anne-Claire Andro. Je ne sais pas si vous avez parlé d'Anne-Claire Andro ce soir, qui sans qui cette émission n'aurait pas été ce qu'elle était sans doute. Mais je vous entends mal. Anne-Claire Andro, qui est une qui est pas vraiment, on peut pas dire, une spécialiste de football, mais qui aime les gens, qui aime les ambiances, et qui ce soir, une fois de plus, a fait preuve de tout le talent nécessaire pour un petit peu nous montrer ce qui se passe loin des petits fours. Voilà. Elle n'a rien à voir avec ce gardien de football qui jouait un temps pour le FC Nantes Atlantique. Non, aucun rapport de famille. Alors Anne-Claire Andro, Mickaël Landro. Voilà, Landro. Vous devez certainement confondre. Qu'est-ce qu'on on approche de la mi-temps, mon cher Brett. Est-ce qu'on peut un petit peu déterminer une tendance dans ce match et quand on a, comme nous l'avons fait tous ensemble ici, regardez cette première mi-temps. Alors la tendance, si on a une, ça serait quand même une certaine domination de l'Inter de Milan, mais finalement pas énormément d'action, peut-être au début du match avec deux grosses parades de Steve. Sinon, une pression quand même de l'Inter qui joue à domicile et qui a un but de retard quand même. Tout à fait. Donc ils ont l'obligation de marquer au moins un but, oui, pour égaliser, deux pour gagner. Alors, ils sont dos au mur, tout à fait. On rappelle la règle, Brett, peut-être. Rappelons la règle, oui, alors qu'on connaît très bien. 1-0 match aller pour l'OM. Pour égaliser, l'Inter de Milan doit mettre un but. 1-0, donc là, match nul, prolongation, penalty. Si pas de but de plus marqué. 2-0, l'Inter est qualifié. L'Inter est qualifié pour les quarts de finale. 2-1. Alors 2-1, qu'est-ce qui se passerait, cher shérif, si l'Inter l'emportait 2-1 ce soir? Je vous entends mal, mais je peux vous dire que on vient d'assister à une belle frappe sur coup franc, coup de pied arrêté, bien capté par Steve. Mais il faut savoir, peut-être qu'on peut rappeler un peu la règle. Au cas où l'Inter gagnait 1-0 ce soir, ben on irait aux prolongations et aux pénaltys s'il le fallait. 1-1, eh bien, sous la fameuse, c'est évidemment, ce serait l'Olympique de Marseille qui gagnerait. Mais 2-1, qu'est-ce qui se passerait? Je vous pose la question. Enfin, je vous entends mal. Mais au cas où, s'il y avait 2-1 pour l'Inter de Milan, eh bien, c'est la fameuse règle du but à l'extérieur qui compte double. Et donc, l'Olympique de Marseille serait qualifié. Très bien. Je crois qu'il y a 2 minutes de temps additionnel. Alors bon, très bien. 2 minutes de plaisir supplémentaire. Alors, je vous entends mal, mais je tiens à vous dire que l'arbitre assistant vient de montrer son petit panneau lumineux et il y a 2 minutes de temps additionnel. Je ne sais pas si vous l'avez dit à vos auditeurs, mais voilà. Très bien. Mais on vous laisse la parole pour la fin de cette mi-temps et éventuellement pour nous faire un petit peu vivre, je dirais, l'ambiance, le suspense. Hein. Une fin de mi-temps, c'est toujours un petit peu palpitant. Alors, je vous entends mal, mais alors ici, à la buvette de Giuseppe Meazza, l'ambiance est palpitante. Hein. Les fins de mi-temps, c'est toujours très palpitant. Karim, tu peux me donner le verre? Excuse-moi, je vais laisser la parole à mon acolyte Karim. Je vais chercher 2-3 verres de Chianti qui nous attendent. C'est la fin du match. Très bien, c'est un événement, c'est la mi-temps, mais votre acolyte a enfin pu retrouver la cabine de commentaires. Abdelkarim Magic Douima, bonsoir. Bonsoir Magic. Bonsoir à tous. Le suspense est tout à fait maintenu. Nous jouons les dernières secondes de la première mi-temps et l'Olympique de Marseille est toujours qualifié à l'heure où nous parlons et continue d'attaquer. C'est incroyable. Je n'y croyais pas du tout. Et là, Valbuena qui va s'enfermer dans le coin, qui repasse par derrière. Il faut un centre. Chérou, centre. Mais elle est, Amal Faitano, attention. Magic, vous êtes vendu, il n'y a pas de Chérou sur le terrain, vous étiez trop souvent à la buvette. Voilà. J'ai confondu avec Amal Faitano et c'est vrai c'est que grave, leur Magic. Allure comme ça, physique, avec leur silhouette longiligne tous les deux, m'ont confondu. Je repasse la main tout de suite à... Ben non, continuez Magic. Mais la mi-temps vient d'être sifflée ici. Alors, par l'arbitre, on voit l'air ravi de... Didier Deschamps et l'OM tient toujours son nul qui le qualifie pour les quarts de finale. Bon, bah, on a dit qu'on vous laisse prendre vos aises dans la cabine de commentaires, mais simplement, vous qui avez vécu cette première mi-temps au premier plan, je dirais, un petit peu au... Bah, je sais pas trop où vous étiez, mais on vient de vous retrouver. D'abord, bonsoir Magic. Votre, bonsoir. On peut vous dire que le shérif Bradley, votre habituel acolyte, a bien tenu la baraque. Mais alors, où étiez-vous d'abord ? Et parce que nos auditeurs étaient un petit peu inquiets. Et puis deuxièmement, qu'est-ce que vous diriez de cette première mi-temps ? Écoutez, j'étais sur le terrain et près du banc de l'Olympique de Marseille à essayer de sentir les tensions et l'émotion qui pouvaient gagner l'ensemble des acteurs de cette partie-là, du côté marseillais. Écoutez, l'ambiance est bonne, la confiance est là, on le sent auprès de Didier Deschamps, les ordres qu'il donne. Les petites consignes sont précises, sont nettes, elles sont là pour redonner de la confiance, du moral, et on sent cette équipe avec de la force. Voilà ce que j'ai pu sentir, voilà ce que j'ai pu glaner comme sensation sur le terrain, et je vais vous dire, je vais vous faire une confidence, moi aussi j'ai été captivé même par la sérénité de toute l'équipe marseillaise. Merci Magic. Eh bien on c'est la mi-temps, on va faire une petite pause et puis on revient juste après. Donc, on va juste écouter donc un petit morceau pour introduire la mi-temps, pour faire une petite pause. Donc d'Alvan Otto et de Blixa Bargel qui s'appelle Wish I Was a Mole in the Ground. Et on revient juste après pour quelque chose d'assez spécial. Hein. On vous en dit pas plus, mais restez avec d'inédit. Nous. Yes, I wish I was a mole in the ground. If I'm a mole in the ground, I'd root that mountain down. And I wish I was a mole in the ground. Oh, Tippy wants a $9 show. Yes, Tippy wants a $9 show. I come over the hill with a $40 bill. Baby, where you been so long? I've been in the band so long. Yes, I've been in the band so long. I've been in the band with a rough and rowdy man. Baby, where you been so long? Oh, I don't like a railroad man. No, I don't like a railroad man. If I'm a railroad man, then I kill you when I can. And drink up your blood like wine. Oh, I wish I was a lizard in the spring. Yes, I wish I was a lizard in the spring. If I'm a lizard in the spring, I hear my darling sing. And I wish I was a lizard in the spring. Oh, Cappy, let your hair roll down. Cappy, let your hair roll down. Let your hair roll down and your bangs curl round. Oh, Cappy, let your hair roll down. I wish I was a mole. Yes, I wish I was a mole in the ground. If I'm a mole in the ground, I'd root that mountain down. And I wish I was a mole in the ground. Heureux, plus heureux comme pas deux. Je vais, on ne peut mieux. Heureux, plus heureux, je suis heureux comme lui, je suis heureux. Cassé dans l'eau, qu'il est au mieux. Je veux parler du 51. Alors le pastis 51, ce n'était bien sûr pas Alvin Auto. Emmanuel Benz, bienvenue. Merci d'être parmi nous. Donc on va vous présenter rapidement. Vous êtes né un 17 juillet à Manosque. Vous vivez et travaillez à Marseille. Vous êtes poète, performeuse plasticienne. Vous pouvez m'interrompre hein, si je me trompe pas. Et vous êtes entre autres la créatrice de la Pepe School, la Poet Performer School, avec laquelle vous êtes un petit peu familiarisé avec le monde du sport, et notamment le rugby. Vous avez bien sûr de nombreux autres travaux, vous avez exposé dans le monde entier, et vous êtes maintenant une poète reconnue et amie de Karl Lagerfeld. Et vous inaugurez ce soir notre rubrique intitulée « Petit précis du sport la Pepe Sport » pour ne pas vous plagier. Avec un texte écrit spécialement pour l'occasion, une création originale, on vous en remercie et on vous écoute. Du vent dans la culotte courte. La culotte courte est unisexuée, unie qui comporte un seul élément, ce qui ne signifie pas qu'elle a un seul sexe. La culotte n'a pas de sexe, elle est asexuée. La culotte est donc dépourvue de sexe, elle n'en a pas, mais convient aux deux sexes, homme, femme. Cette culotte courte unisexe, appelée communément short, cache les fesses et la zone pubienne. Ce short est maintenu à la taille à l'aide d'un élastique ou parfois une petite cordelette, ou parfois les deux. Cette cordelette, ce cordon, cette fine ficelle, ce lien peut se nouer, se serrer ou se desserrer, se resserrer, se joindre, se liguer, se coincer, s'attacher à volonté. On serre donc plus ou moins cette cordelette selon son gonflement abdominal. Si on est ballonné, on desserre. Si on n'est pas ballonné, on resserre. Parfois, c'est un élastique qui maintient le short. Il se tendra et se détendra en écho au ballonnement gastrique. Parfois, c'est un bouton qui tient le short. Parfois, c'est une fermeture éclair, ou les deux. Parfois, c'est une braguette qui maintient le short. Parfois, c'est une agrafe, ou les deux. Parfois, c'est un velcro qui maintient, s'ouvrant sur le devant, ou un velcro s'ouvrant sur le côté. Parfois les deux. Ce qui définit le short comme short ou culotte courte n'est pas son système de maintien, mais le fait qu'elle est short, courte. La culotte courte a été au fil des décennies largement détournée, selon sa taille, sa longueur, courte, mi-longue, mi-courte, très courte. On lui confère divers noms. Sa forme, droite, trapèze, bouffante, moulante, échancrée. Caleçon, short si elle est très très courte. Micro-short, mini-short, shorty si elle laisse le bas des fesses dégagé, très très courte. Bermuda, corsaire, cycliste pour un style sportwear. Bouffant, mi-long, ceinturé, taille haute, style urbain, so chic. Tantôt cuir avec revers, bretelles et Edelweiss. Tantôt mini-mini en cuir souple avec lacets, style gothique. Tantôt à paillettes, à fleurs, à rayures, à carreaux, avec sandales, soquettes et moustaches coupe rose. Ou éponge pour un total look vintage. Urbain, so chic, sportwear, bohème, streetwear, swag, un atout indémodable et très très tendance. Comme en témoigne Car 49. À part les shorts d'athlétisme, ce n'est pas facile de trouver des mini-shorts. Moi, je recycle mes jeans en faisant faire un bel ourlet à la hauteur voulue. Le bon short pour le bonhomme. Il est primordial de bien choisir la taille, la croche, la matière de son short, ce qui lui donne sa tenue. Flasque, la culotte courte est sujette à la prise au vent. Le vent est l'un des atouts majeurs des porteurs de shorts puisqu'il offre une bonne ventilation de la zone pubienne en été. mais lui donne parfois mauvaise allure et ne permet pas une bonne stabilisation des muscles de la cuisse. La cuisse. La cuisse a aussi une grande importance dans le port du short. Éviter la cuisse molle sous short flasque, ce n'est pas du meilleur effet. On lui préfère une cuisse ferme sous short tenu. Pour un joli porté de short, une belle allure, il est conseillé de porter une attention particulière aux jambiers et aux fessiers, avec des exercices galbe et tonicité. Pour cela, debout, pieds parallèles, bras tendus le long du corps, regard droit devant, fléchissez les jambes en inspirant, en levant les bras devant, jusqu'à ce que l'articulation de la hanche soit au niveau du genou, sans jamais arrondir le dos et en contrôlant la descente. Quand le fémur est à l'horizontale, expirez en remontant, extension des jambes, en contractant les fessiers jusqu'à la position de départ. Parfois, c'est musclé une cuisse. Parfois, c'est solide, c'est vigoureux une cuisse. Parfois, c'est ardent, c'est impétueux une cuisse. Parfois, c'est mou, c'est chétif, c'est inconsistant. Parfois, c'est mollasse, parfois, c'est poilu. La pilosité. Si la cuisse galbée, musclée, gracieuse, mais athlétique, est recouverte, dissimulée, souillée par un poil trop dense, trop long ou trop disparate, il contrarie la fine gouttelette de sueur dans son acheminement. La sueur et ses phéromones, dérivées de testostérone et source d'activation d'humeur féminine, nous rend sauvage. D'où l'importance de se pencher sur l'épilation, comme en témoigne Camaro 29. Franchement, moi je suis épilé complètement et ça a donné des idées aux autres coéquipiers. Maintenant, nous sommes 5 sur 15 à pratiquer le rasage intime. Et je pense que d'autres vont suivre. Je conclurai donc par le short, c'est chaud, so chaud. Merci beaucoup Emmanuel Benz, merci beaucoup pour ce papier qui dénote votre intérêt quand même pour le style, d'où votre amitié avec Karl Lagerfeld, bien sûr. Emma, merci, et puis moi je pense que à partir de ce que vous venez d'écrire, cher docteur, cher Brett, cher shérif, cher Magic, on peut en dire des choses, parce que on vient de parler énormément de style, comme vous venez de le dire, Brett. Et est-ce que, quand on parle de cette première mi-temps, on peut parler de style ? Shérif Magic, est-ce que vous avez noté du style ou quelque chose se rapportant au style pendant cette première mi-temps ? C'est le shérif hein, qui vous répond. On vous entend mal. On vous entend mal ici. On parlait avec Magic de style juste à propos, mais Magic. Comment ne pas parler de style ici à Giuseppe Meazza en pleine Italie? Je veux dire, on est dans le style. On est absolument dans le style. Et les propos de cette très chère Madame Benz, que je n'ai pas l'occasion de connaître, m'ont rappelé toute la classe et toute l'histoire de l'Italie. Et je veux dire, le style, c'est quelque chose. Alors, on peut parler style, on peut parler short aussi. Les shorts, ils sont comment, docteur, sur ce match? Les shorts... Le docteur Magic, restez à votre place. Vous êtes homme de terrain. Donc le short, effectivement, on a des shorts qui sont pour la plupart unis, me semble-t-il. Hein. Quelques bandes sur le côté qui rappellent les sponsors. Nous ne les citerons pas. Une marque à trois bandes, inventée par l'allemand Adi. Petit nom de Adolf, hein, en réalité, Adolf Dassler. Pour ce qui est de l'équipe interiste, je ne me souviens pas bien. Magic, pouvez-vous nous rappeler le short sponsor de l'équipe de l'Inter de Milan? Vous qui êtes sur le terrain, vous qui devez les voir, je crois que c'est une marque, une déesse athénienne, quelque chose comme ça. C'est une marque de pneus de voiture de luxe, c'est Pirelli. C'est Pirelli. Oui. Mais peut-être que la mieux placée pour parler du short des joueurs qui s'affrontent ce soir est quand même notre invité spécial, Emmanuel Benz, est-ce que vous avez noté quelque chose de particulier sur les shorts ou pas? Moi, les shorts, je les ai moulants. Donc ce soir, vous êtes un petit peu déçu? Je ne vois pas le match. Je n'ai pas de télévision. Je ne vois que les shorts moulants. Bon, ben alors, on va peut-être faire un bilan sur cette première mi-temps. Si, est-ce que vous voulez faire un bilan, vous, à Giuseppe Meazza, sur cette première mi-temps? Est-ce que on peut dire quelque chose de plus que ce qui a déjà été dit? Écoutez, on vous entend mal ici à Giuseppe Meazza. On pense juste que c'est le moment de faire le bilan de cette première mi-temps et de peut-être rajouter des choses sur ce que vous avez dit ou pas dit, Chérif, cette première mi-temps. Alors, écoutez, je crois que comme toute grande équipe, il y a une part de chance qui accompagne cette équipe marseillaise. Il est vrai qu'elle a été très copieusement dominée en début de première mi-temps et sans un grand mandat et un petit peu de chance, il faut avouer que le sort aurait été différent. Et il faut reconnaître quand même que sans cette petite partie de chance, nous ne serions pas tout à fait aussi contents que nous le sommes en ce moment. Oui, parce que l'OM est pour le moment qualifié. Pour l'instant, écoutez, les choses se portent bien et l'Olympique de Marseille est toujours là, est qualifié pour les quarts de finale. Ça ne lui est plus arrivé depuis bien des années et c'est tout un peuple. Je sens la ferveur du peuple marseillais qui est là et qui soutient notre équipe. Très bien, très bien. Merci, Magic. Les équipes sortent des vestiaires. Donc pour la deuxième mi-temps, est-ce que on aperçoit déjà des changements dans les équipes ou les équipes sont les mêmes? Écoutez, on vous entend mal ici, mais a priori, non, c'est toujours le même Chianti, un petit Sam Paolo qui vient d'une région pas très très loin finalement de là où nous trouvons, au quartier de San Siro. C'est un petit viticulteur qui est à une trentaine de kilomètres et on vous en ramène de caisse, hein, comme on en a parlé. Enfin, c'est vrai qu'on en parlait pas en direct, mais bon, non pas forcément de changement prévisible, mais peut-être, chéri, vous avez vu un peu plus précisément que moi. Je crois voir un peu de rosé au fond. Magic, vous voulez dire? Je voulais dire Magic, excusez-moi, oui, pardon. Je ne sais pas où il est passé le rosé. Peut-être, oui, bon, on l'a peut-être déjà fini. Mais en tout cas, le match est sur le point de reprendre. Voilà, c'est donné à l'instant le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Toujours donc 0-0 dans cette partie et toujours l'OM qualifié. Un premier ballon qui est dégagé par la défense interiste, une touche pour l'Olympique de Marseille. Et voilà la machine olympienne qui repart à l'attaque. Il vaudrait mieux en ce match se donner encore un but d'avance. Si nous avions un seul but, les Milanais devraient en marquer 3 pour se qualifier. Et alors il ne faut pas le négliger comme on l'a fait trop en première mi-temps. L'attaque dans cette équipe est continuée. Alors là, ballon arrêté, petite faute d'Amalfitano et la défense interiste qui se relance. Je ne vois plus très bien, excusez-moi. Ah, Magic, on va reprendre la parole ici à Cognac G. On va essayer un petit peu, peut-être, éventuellement, de donner... qu'est-ce qu'on pourrait dire des enjeux de cette deuxième mi-temps? Alors, j'ai envie de vous poser la question, cher Brett, cher docteur, cher Emma. La question sur plusieurs plans. D'abord sur le plan du style, deuxièmement sur le plan de l'occupation du terrain, et puis troisièmement sur le plan du résultat. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette deuxième mi-temps? Emma, vous voulez peut-être sur le style, qu'est-ce qu'on peut attendre? On peut attendre un peu de vent pour faire bouger le short. Et le short vermillon, finalement, je trouve ça pas si mal, moi. Vermillon. Vermillon. Alors voilà une rouge, troisième alors couleur. Voilà. On était sur du rouge, du orange, on a du vermillon, mais bon. Alors là. Moi, je vois du vermillon. Vermillon un peu brillant, qui donne un petit style à la fesse, qui n'est pas mal à mon goût. Très bien, docteur. Est-ce que le vermillon est à votre goût? Le vermillon, non, comme je l'expliquais tout à l'heure, pas forcément le vermillon. Non, je trouve qu'il ne sied pas vraiment à cette équipe. Je n'aurais pas dit un rouge un petit peu plus conséquent, un petit peu plus sauvage, un petit peu plus... Très sauvage. Oui, c'est sauvage, mais on n'y voit pas la révolte marseillaise, celle qu'on espère après ces 4 matchs sans victoire, même ces 4 matchs avec défaite, car il faut bien le dire. On aimerait voir les Marseillais beaucoup plus entreprenants, même si stylistiquement, ils nous montrent depuis la deuxième partie de la première mi-temps des capacités, d'une cohésion qui est beaucoup plus importante. Donc on se met à y croire. Et c'est ça qu'il faut faire de toute façon. Hein. Je crois que sur le papier, les deux équipes n'ont pas les mêmes forces, n'ont pas les mêmes bancs. Donc je pense que on y croit. Allez. Alors. Merci docteur, merci Emma. Je crois qu'on a un coup de... Alors on a un auditeur. Oui, allô. Allô, je vais lire la question, il m'écoute pas. Vas-y. Bon, alors ma question. Vous êtes de Marseille, hein, non? Vous êtes supporter de l'OM? On a cru entendre un léger accent. Alors, j'aimerais bien poser de questions. Ma question, si je peux la poser. Oui, on vous écoute, oui, allez-y. Est-ce que Deschamps, c'est vraiment le bon entraîneur pour l'OM? Est-ce que l'attaque est décisive avec Deschamps? Et qu'est-ce que Brandao, il fait en dehors du terrain? Est-ce que Brandao, il devrait être du terrain? Voilà, c'est ma question. Alors, votre question tombe vraiment à pic, parce que... Alors, ici, autour de cette table, il y a des Brandaïstes, il y a des non-Brandaïstes, et... Je ne vois pas très mal, hein. Je suis dans ma caméra. Comment ? Camion. Dans votre camion ? Je vois pas très mal. Hein. Dans une caverne ou un camion ? Vous prenez la route. On va essayer d'être clair. Effectivement, ici... Dans le Nord, bon, j'aime bien le football, j'aime bien l'OM. Oui. Je pense que l'OM, ils ont un truc à faire ce soir. Ils peuvent gagner. Oui, pour le moment, ils sont qualifiés. Est-ce que Brandao... est-ce que c'est l'homme à mettre sur le terrain ou pas? Eh ben peut-être que effectivement, moi je vous suis sur ce terrain-là parce que il me semble que Brandao, puisque je suis un grand supporter de Brandao, il me semble que Brandao peut apporter une densité physique à l'attaque et que peut-être que pour l'instant l'attaque de l'OM manque de densité physique. Qu'est-ce que vous en pensez, Brett? J'allais rebondir. Je suis pas persuadé que pour l'instant, si je vous me permettez de vous contredire un petit peu. C'est-à-dire hein. On vous entend pas bien, mais je voulais juste dire que Brandao et sa densité physique, c'était peut-être pas tout de suite, peut-être plus tard dans le match. Je vous aime bien, vous êtes des très bons animateurs du match. Merci. Moi j'ai une question, mais qui est Brandao ? Alors Brandao, c'est un attaquant brésilien de l'Olympique de Marseille. Qui a connu, on peut le dire, quelques déboires judiciaires, mais pour l'instant il est... La justice ne s'est pas prononcée. Voilà. Il est présumé innocent. Très bien. Jusqu'à la condamnation prochaine. En tout cas, ce qu'on voulait dire à propos de Brandao, la question posée par cet auditeur, elle est plutôt bonne. Est-ce que Brandao, dans un match de cette configuration, apporterait au collectif de l'OM? Est-ce que Brandao doit être sur le terrain? Est-ce qu'il doit être sur le terrain et est-ce que Deschamps est le bon entraîneur? C'est ça votre question. Un bon match, sport, quoi. Parce que pour l'instant, il y a Steve Hébert. Oui. Il est sur le terrain. Est-ce que sur la pelouse, il n'y aurait pas besoin d'un bon attaquant qui peut mettre la tête? Eh bien, on va laisser le docteur Lehmann répondre à cette question. Est-ce que Didier a fait les bons choix? On va demander au docteur Lehmann s'il a une réponse à cette question. Bon, quand on a un capitaine de navire de la trempe d'un Didier Deschamps, il n'est pas facile de remettre en cause la parole d'un tel chef. Donc, moi, je pense que l'équipe que Deschamps nous aligne en début de match, elle est vraiment intéressante. Certes, il choisit de ne pas faire peser Brandao sur des défenses, Brandao dont on connaît la capacité à épuiser les défenseurs centraux, il est vrai. Il le garde sous le coude, il a raison à mon avis. Qui sait pour une éventuelle prolongation, voire même cette fameuse séance de tir au but que j'appelle de mes voeux. Hein. J'aime ce que j'aime dans le sport aussi, j'évoquais cela tout à l'heure, c'est sa glorieuse incertitude. Et qui mieux que les pénaltys, quoi mieux que les pénaltys, pour illustrer cette incertitude? Donc Deschamps, entraîneur valeureux. Il y a ma femme, elle demande si je passe à l'antenne. Oui, votre mari passe à l'antenne, madame. Votre mari passe à l'antenne. Femme, c'est bien votre mari, c'est cet homme dont le noble métier est routier, c'est cela, monsieur, qui visiblement nous viendrait plutôt du nord que du sud de la France. Bon, on peut être supporter de l'Olympique de Marseille aux six coins de l'Hexagone. Hein. Il n'y a pas de contre-indication à tout cela. Donc voilà ce que je pouvais répondre, mon cher monsieur. Hein. Merci, docteur. Une dernière question, parce que oui. Je vous entends très mal. Hein. Si je capte mal, je suis dans le camion. Hein. Je suis entre Reims et Limoges. Alors, une dernière question. Est-ce que Audrey Ayou et Rémi, est-ce qu'ils vont, faire le match? Est-ce qu'à un moment, ils vont se lever les couilles un peu et ils vont y être ou quoi? Alors, sur le mot couille, on avait éventuellement quelque chose à vous dire, mais ça va venir. Alors, Ayou, alors peut-être qu'on peut en profiter justement pour revenir un peu sur le terrain et voir est-ce que on a sur le terrain une réponse à cette question. Est-ce que André Ayou et Loïc Rémy se lèvent les couilles, messieurs? Magic, Shérif? Écoutez, toute l'équipe se lève les couilles. Je voudrais juste ajouter une dernière chose. Oui, excusez-moi, là il y a une petite attaque. Loïc Rémy, justement, tout seul face à trois défenseurs. Loïc Rémy qui tombe. L'arbitre ne siffle pas. Il aurait mérité quelque chose. Il se défend avec ses couilles, ses jambes et sa tête, ce cher Loïc. Oui, l'Olympique de Marseille a pris dans le bon sens cette deuxième mi-temps. Et je ne crois pas que Brandao, pour revenir au débat que nous menions tout à l'heure, je ne pense pas que Brandao, qui n'est brésilien que par son nom, excusez-moi, mais Brandao, là, dans cette configuration technico-tactique établie par Didier Deschamps, n'aurait pas été d'une grande utilité. Les Marseillais sont en train d'étouffer l'équipe interiste. Elle ne fait plus rien, cette équipe interiste, sauf parfois par petits à-coups comme ça, mais elle ne sert plus à grand-chose. Un petit corner actuellement pour l'Olympique de Marseille qui va être tiré par Mathieu Valbuena. On voit à l'échauffement le grand Brésilien de cette équipe. Attention, corner tiré, repoussé de la tête par Samuel de la défense interiste. Attention à la contre-attaque. Le ballon est finalement dégagé, qui va être récupéré par Steve Mandanda très tranquillement. Comme je vous disais, cette équipe marseillaise est en train de gagner en confiance toujours. Elle gagne en confiance, elle se sent sereine, elle étouffe cette équipe interiste. Merci beaucoup Magic pour ces commentaires endiablés. J'ai la définition de couille, si vous voulez. Ah, ouais, on y va sur couille, on y va. Sûr. Alors couille, nom féminin singulier, grossièrement testicule humain. On peut dire aussi figasse, petite bourse, on peut dire, il y a plein de mots, si vous tout en connaissez. Tout un tas de trucs, bien sûr, oui, roubignol, roubignol, roronnière, tout ça. Mm-hmm. Grossièrement bêtise, erreur stupide, grossièrement problème, empêchement. Et on a plein de petites expressions comme ça, casser les couilles, ce qui veut dire exaspérer. Couille molle, donc voilà, un pas couillu. Et partir en couille, très familièrement, se déliter, se dégager. Voilà. Se désagréger, tomber en couille. Merci. Merci ma couille. Merci ma couille, comme dirait. Chers auditeurs, la deuxième mi-temps est maintenant bien lancée, je crois. Hein. Et nous reviendrons bien sûr au stade un peu plus tard. Mais pour l'heure, il est temps d'élever le débat. Oui, après ces considérations donc sur la couille, qui, ma foi, sont plutôt intéressantes. Oui, mais bien sûr. Pas totalement, enfin bref, on va essayer d'ouvrir une rubrique qu'on va appeler philosophie et football. Tout à fait, et je pense que c'est la bonne transition après avoir parlé de Brandao. On aurait pu parler poésie et football, mais on parle de philosophie et de football et c'est très bien. Ce qui convient, je pense, fort bien à Brandao, oui, en ce moment. Tout à fait. On va écouter Olivier Pouriol, qui est un philosophe, qui a écrit un livre qui s'appelle Éloge du mauvais geste tout court d'ailleurs, publié aux éditions du Nil en 2010, et qui parle... Dans l'extrait au micro de France Info, le 11 juin 2010, le jour du match France-Uruguay qui ouvrait la campagne de l'équipe de France en Afrique du Sud. On l'écoute et je pense qu'on discutera ensuite. On en discute après. Schumacher sur Battiston, il est indéfendable, mais c'est pour ça que je suis allé contre en fait mon émotion négative, parce que tout le monde a dit à l'époque finalement c'est un nazi, il nous rejoue la Seconde Guerre mondiale, c'est une agression, il a voulu le tuer. Je me suis dit mais oui c'est vrai, c'est ce que j'ai pensé moi quand j'avais 11 ans. Alors la pensée qu'on a quand on a 11 ans, est-ce qu'on peut encore s'y accrocher quand on a un peu plus? Je me suis dit bon, tiens, je vais lire l'autobiographie de Schumacher puisqu'il en a commis une. Et là tout à coup je suis tombé sur l'intériorité d'un homme dont tout le monde pensait que c'était simplement un monstre. Et ce type-là dit que ce jour-là quelque chose en moi s'est cassé. Pourquoi? Parce que sa mère lui a dit que c'était pas beau à voir. Cyrulnik, dans Les nourritures affectives ou dans Sous le signe du lien, dit qu'un mot, ça fait plus de mal qu'un geste. Et prendre un coup, ça reste dans la chair et la chair se répare, un bleu, etc. Alors que le mot, il vous appartient et c'est votre structure propre. Une insulte qui vous accompagne toute votre vie, vous devenez un enfant poubelle. Schumacher, il a été traité de lâche et lui-même s'est traité de lâche et ne comprend pas son geste. Bien sûr, blessé à mort, alors que Batiston, il était réparé. Et en plus de ça, il a subi une injustice, donc il n'a rien fait de mal. Henri, j'explique justement qu'il a raté son mauvais geste. Il a tenté un peu malgré lui, comme tous ses gestes, ça leur échappe. Et le sien, il est raté. Parce que d'abord, c'est en deux temps. Ensuite, ça ressemble à Maradona, mais il ne met pas vraiment le but. C'est juste ensuite pour faire une passe, qui est très belle. D'ailleurs, l'extérieur du pied est magnifique. Est-ce que ça compense la double main? Ça se discute. Mais c'est surtout ce qu'on lui a reproché, c'est de ne pas être, au fond, splendide et brutal, comme Philippe Ross dans La Tâche dit, voilà, qu'est-ce qu'on reproche à Clinton avec Monica Lewinsky? C'est d'une certaine manière d'être entré dans son jeu. Et à Clinton, on lui reproche de ne pas avoir été assez corrompu, de ne pas avoir été comme Nixon. Nixon, il l'aurait enculé, c'est ce que dit Philippe Ross, Monica Lewinsky. Et puis surtout, il l'aurait menacé si elle était venue lui faire du chantage. Il lui aurait dit, mais ton entourage, tu vas voir, ils vont tous perdre leur job. Clinton, lui, dit, non, mais bon, d'accord. Bon, Henry, c'est Clinton. Il n'est pas assez corrompu. Au fond, c'est son lui reproche, c'est d'avoir des scrupules. C'est-à-dire, s'il n'était pas le premier à être gêné par sa main, et là, il se le fait payer à lui-même. Après, il a ciré un peu le banc de son club, il a plus joué, et dans les interviews, il disait, mais c'est normal, je suis pas le meilleur à mon poste, etc. Et un type aussi intelligent et finalement qui a aussi envie de jouer. Puisque là, ce jour-là, il s'est senti merdique, et Cantona lui a reproché, il dit, ok, mettre un but de la main, c'est une chose, mais aller consoler les mecs après, c'est pas possible. Alors moi je dis c'est de la main de Maradona. Ce qu'on reproche à Henri, c'est pas son geste, c'est que ce geste ne lui ressemble pas. On sait que c'est un premier de la classe, on sait qu'il est exceptionnel, on sait que c'est lui qui a mis tous les buts, on sait qu'il est travailleur, on sait qu'il applique les consignes de l'entraîneur. Il a raté son geste parce qu'il n'est pas aussi franc dans la tricherie que Maradona et parce qu'au fond il a appliqué les consignes de Domenech qui en 2006 a reproché à ses joueurs de ne pas avoir continué à jouer quand Materazzi faisait semblant d'avoir mal par terre. Et ce qu'il leur a reproché, c'est pas la question de la gagne, c'est très intéressant ce qu'il leur a reproché, c'est presque reproche de gourou ou de yogi, il leur a reproché de ne pas avoir été assez présent à ce qu'ils étaient en train de faire. Voilà. Et ben ce jour-là, Thierry Henry, il a compris que c'était pas possible de gagner par les. Son corps l'a compris. Voilà, c'est une sorte de lapsus de l'équipe de France. Et comme il était dans le rôle du capitaine, il se retrouve exactement dans la position du personnage de Sartre dans Les Mains Sales, justement, de Euderer, lui assume que quand on est capitaine, il faut se salir les mains, il faut mettre les mains dans la merde, etc. Et c'est très intéressant, Euderer dit, quand on gouverne, on ne peut pas garder les bras le long du corps. Vous voyez, donc c'est une sorte de conseil très direct. Ben Thierry Henry, je dis voilà, quand je dis qu'il a raté son mauvais geste, j'espère qu'il va réussir le prochain, ou que comme Maradona qui après sa main, 5 minutes après, met un but vraiment divin lui, et ça fait un couple dans la tête des gens, ok il a mis un but scandaleux, mais juste après il a mis un but surnaturel, donc au fond le message de Maradona c'était mes pieds c'est comme mes mains, comme de toute façon je suis divin, je fais ce que je veux, et j'aurais pu le mettre avec les pieds en dribblant tout le monde. Thierry Henry lui, ben, 5 minutes plus tard, il a pas pu le faire, il a serré la main des mecs, il a gardé, donc il a cette tâche avec lui, et c'est pour ça qu'il est plus en position d'être capitaine, c'est pour ça qu'il a failli pas jouer la Coupe du Monde, et c'est pour ça qu'il est tendu comme un ressort et que lui a dû attendre 6 mois pour essayer de se refaire. Donc je pense que quand il va rentrer sur le terrain, il va être dans la position de Maradona une minute après le but scandaleux, sauf qu'il a attendu 6 mois, donc je pense qu'il va essayer de faire quelque chose pour vraiment rentrer dans l'histoire en ne restant pas sur ce mauvais geste. Je vais aller même plus loin, c'est-à-dire que je pense que c'est pour ça, au fond, que sans le dire, Platini n'est pas pour l'arbitrage vidéo. Ce serait un sujet peut-être sur la liberté négative. Alors, il dit beaucoup de choses, Olivier Pourriol, dans ses extraits. On a allègrement coupé, on a allègrement choisi ce qu'on voulait mettre, ça faut le dire aussi, parce qu'on fait ce qu'on veut. Mais il dit quand même beaucoup de choses. Il parle de réussir son mauvais geste, de rater son mauvais geste. Il parle de Batiston, ça c'est cool. Il parle de Maradona, oui, bon. Il parle de Batiston, en fait, il parle du cul de Schumacher dans la gueule de Batiston. Ça c'est quand même important. Et puis, il dit, et il finit là-dessus, c'est peut-être pour ça que Platini n'est pas pour l'arbitrage vidéo. Alors, docteur, j'ai envie de vous interroger là-dessus, quoi. J'ai envie que vous nous disiez un petit peu ce que ça vous dit. Bon, je ne connais pas ce monsieur Pourriol. Moi, je retiendrai tout de même ce panégyrique un petit peu déplacé de Thierry Henry. Je trouve ça déplacé, hein, c'est le terme. L'avenir n'a pas donné raison à ce monsieur Pourriol. Non. Ça c'est sûr, hein, non, pour c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. En tout cas. Le traumatisme, on peut parler de traumatisme. On peut parler de traumatisme de Nafissatou Diallo. Oui. Nafissatou Diallo. Voilà, c'est ça. Oui. C'est ça, hein, voilà. Oui. Bon. Je crois qu'on on en est là, quoi. Tout simplement, hein, le football aura des pâquerettes. Vous regrettiez tout à l'heure qu'on ne parle pas du vrai football. Il est vrai, quand j'entends parler Thierry Henry, quand j'entends parler M. Pourriol, quand j'entends parler M. Le Graët, parfois hein, président de la Ligue, non, on n'est pas dans le football que j'aime, moi. Donc, voilà, au-delà de l'esthétique et des culs, et je vois que vous essayez de réorienter la tendance pour essayer de faire en sorte de gagner un petit peu plus de parts d'audience. D'accord. Mais ce n'est pas les publicités de M. Gottener qui vont non plus vous financer. Voilà. Mais au-delà de ça, cher Brett, oui. Quand Olivier Pourriol dit... Il dit énormément de choses, mais quand il dit... c'est peut-être pour ça que Platini n'est pas pour la vidéo, parce que peut-être que il dit Platini, l'erreur est humaine, l'erreur fait partie du football, et avec de toute façon un arbitrage vidéo, les joueurs vont s'adapter à cet arbitrage vidéo, et bon bref, en tout cas il dit l'erreur doit faire partie de ce jeu. Alors je vais pas répondre directement, mais pour revenir sur Pourriol, je pense qu'il fait l'éloge des mauvais gestes, mais quand il parle d'éloge des mauvais gestes, il parle essentiellement des grands joueurs. Alors, je ne pense pas qu'il fasse réellement l'éloge de Thierry Henry. Je pense qu'au contraire, il explique assez bien que le geste de Thierry Henry est raté. Donc, ce n'est pas un beau geste, enfin, un mauvais geste dans le sens beau geste. Je pense que... Soyez clair. Je pense que c'est un mauvais geste, mais pas un beau geste. Ce que sous-entend par le titre éloge du mauvais geste pour Yol, je pense que quand cette espèce de forme oxymorique, éloge du mauvais geste, c'est pour parler de la capacité des grands joueurs dans leur mauvais geste de faire des beaux gestes. Et c'est pour ça que je pense qu'il parle de Maradona. Mais je crois, et d'ailleurs on pourrait rappeler, parce que je crois qu'il évoque six mauvais gestes hein, dans son livre, il évoque la main de Maradona, évidemment, contre l'Angleterre en 86, je crois. Il évoque le coup de pied de taekwondo de Eric Cantona, sur un supporter de Crystal Palace ou je crois d'un club Crystal Palace, exactement. Je crois que c'est ça. Ouais. Il évoque le cul de Schumacher dans la gueule de Batiston, qui est un petit peu le truc qui aurait pu provoquer la Troisième Guerre mondiale. Il évoque également qu'est-ce qu'il évoque également comme geste, la main de Thierry Henry, le coup de boule de Zidane. Le coup de boule de Zidane et le penalty de Platini au stade du Ezel. Voilà. Je crois que si je peux vous interrompre, bien sûr. Que le shérif Bradley a vécu ce moment-là et peut nous en parler. Alors je vous entends mal ici à Giuseppe Meazza, tout ça pour vous dire que bon le match continue vaille que vaille, ça monte et ça descend, mais juste pour vous signaler quand même que nous avons ici à la buvette de Giuseppe Meazza, et nous venons de rencontrer Pascal Pro et Michel Platini Pascal Pro qui vous salue monsieur. Je ne le salue pas. Je sais que vous ne le saluez pas. Pascal Pro et Michel Platini qui sont juste à côté de nous et on évoquait le stade du Ezel, grand souvenir dans la mémoire de Michel Platini et effectivement nous y étions tous les deux, Magic, et te souviens-tu, Magic, et la buvette du Ezel a une bière formidable et Michel Platini qui après le match est venu à la buvette du Ezel nous rejoindre se souvient de ce moment comme un moment de grâce. Bon, parsemé d'un petit incident, il est vrai, mais vraiment très très bon moment de convivialité, le Hazel. Magic. Je ne me souviens plus de cette soirée. Écoutez, c'était une soirée noire dans tous les sens. J'ai vécu un grand noir, moi aussi, ce soir-là. Ben, parlez-nous du match, alors, Magic. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, là? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Là, maintenant, là. Écoutez, j'ai entendu vos débats tout à l'heure. Je n'ai pas très bien tout compris. Écoutez, on parlait de couilles tout à l'heure. Je peux vous dire que l'équipe interiste a repris quant à elle du poil de la bête. Nous sommes mal, nous les Marseillais, là actuellement le danger se rapproche. À l'instant même, un coup franc vient d'être sifflé à l'entrée de la surface de réparation pour l'équipe de Milan. Et c'est, je crois, Stankovic qui a une frappe de mule, il faut le dire, une frappe de véritable mule qui s'apprête à tirer ce coup franc plein axe à peu près 26-27 mètres des cages de Steve. Steve, nous retenons notre souffle. Steve, Steve. Qui tire? Stankovic, attention, il tire. Oh, c'est au-dessus. Bon, c'est soulagement, c'est au-dessus. C'était nul. L'Olympique de Marseille tient encore son match. 0-0. Il ne reste plus que 23 minutes dans le temps réglementaire de cette partie. Et l'Olympique de Marseille est toujours qualifié pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions dont nous aimons tant la musique. Oui, mes chers amis, nous vous avons entendu. Oui, nous aimons cette musique et nous voudrions la vivre encore des semaines et des semaines. Voilà, toujours 0-0 ici au stade de Giuseppe Meazza et le jeu est arrêté pour l'instant à 6 mètres que vient de tirer Steve. Voilà, je ne sais pas ce qui... Merci Magic, merci Shérif de nous faire vivre si bien cette ambiance. Vous êtes excellent. Vous êtes vraiment très très bon. Brett, il serait peut-être temps de parler musique un petit peu, d'éventuellement passer un petit morceau. Qu'est-ce qui se passe alors ? C'est une très très bonne idée. On va passer un morceau. Alors on va passer un morceau de musique. Donc on appelle Gérard Van Der Gut à la régie. Gérard, vous avez devant vous une liste de morceaux. Piochez. Voilà. Piochez. Ah, bonne pioche. C'est impeccable. Alan Vega, Kung Fu Cowboy, ça parle très bien. Ça rappelle le coup de pied de Eric Cantona. C'est parfait. Allez. He's the Kung Fu Cowboy. Eh bien, de retour au studio. Je pense qu'on va tout de suite aller prendre la température, mais je crois qu'Emma, vous aviez une question. Oui, je me demandais ce que c'était qu'un tir au but. Alors, on voulait vous poser la question à vous, Magic, à vous, Shérif. D'abord, est-ce qu'il s'est passé quelque chose depuis notre absence? Et puis, qu'est-ce qu'un tir au but? Alors, on vous entend mal ici au stade Giuseppe Meazza. Il faut dire qu'il y a une ambiance de fou furieux à la buvette du stade. Magic, oui, s'il te plaît, tu peux faire attention à mon verre, s'il te plaît. On parlait éventuellement de tir au but dans le cas terrible où l'Inter de Milan viendrait à marquer un but pendant ce temps réglementaire. Et alors, peut-être qu'il serait bon, Magic, d'essayer de définir ce que c'est qu'un tir au but. Alors, il faut rappeler d'abord que il faut se demander la question de quel domaine parlons-nous, si on parle de foot ou d'autre chose, parce que ça peut varier, mais en tout cas en ce qui me concerne et selon mes compétences, le tir au but est ce qu'on appelle de manière plus conventionnelle, on va dire, un penalty, c'est-à-dire le ballon est posé sur un petit rond noir qui est matérialisé par de la peinture. Il est blanc, oui. Excusez-moi, mais entre le rosé, le blanc, le rouge, je ne sais plus où donner de la tête. En tout cas, lorsqu'une faute est sifflée, une agression dans le grand rectangle qui est à côté des filets de but, lorsqu'une faute est commise dans cette enceinte-là, l'arbitre doit siffler un penalty, une faute, et alors l'un des attaquants pose le ballon sur ce petit cercle matérialisé de peinture blanche et tire en une seule fois, un seul tir, pour essayer de marquer seul à seul face au gardien de but. Écoutez, l'ambiance est tendue, l'ambiance se tend ce soir sur Giuseppe Meazza. Merci. Giuseppe Meazza. Et même à Azpilicueta, qui est jeune, et on commence à sentir de la nervosité. Et encore un énième corner pour l'équipe interiste. Mais attention, Marseillais, tout un peuple vous regarde. C'est le septième corner pour l'Inter de Milan en cette deuxième mi-temps. Si ça continue comme ça, attention, oh là là, sauvetage, oh là. Ah, et le but pour l'équipe interiste, je vous l'avais dit, je vous l'avais prédit, et voilà, c'est Diego Milito qui égalise sur l'ensemble des deux rencontres. Ce but qui permet de caramba. Magic, ça change la donne là. Magic, ça change la donne là. Tout à fait, on parlait de penalty à l'instant et on s'y dirige direct vers la séance des penalty. Magic, j'ai un message d'un auditeur qui nous dit: quel est cet accent? Il semblerait que depuis le début du match vous avez changé d'accent. J'ai l'accent de ce que je bois, mon cher Brett. Et excusez-moi, je suis ukrainien depuis tout à l'heure. Et en tout cas, pas argentin comme ce Milito. Excusez-moi. Bon, on va faire retomber un peu la pression. Et nous reviendrons au terrain un peu plus tard. On sait que maintenant, il y a but, quoi. Et on va en parler un peu ici. C'est moche. C'est moche. On s'y attendait ou on s'y attendait pas, docteur? On s'y attendait plus. On s'y attend. Moi, personnellement, je m'y attendais, bien sûr. Hein. Je ne dirais pas que je l'aurais pronostiqué. D'un autre côté, ça va nous créer du suspense pour la suite de ce match, de cette rencontre, éventuellement nous pousser dans nos retranchements, dans leur retranchement. Donc je pense que ce but, il faut le prendre avec sagesse. Et je pense qu'on a l'équipe pour le prendre avec sagesse. L'important, ne pas s'arc-bouter en défense, continuer à essayer d'attaquer, toujours. Et peut-être, pourquoi pas, faire un petit peu de coaching, Monsieur Deschamps. Là, j'en reviens à cette intervention de notre ami Routier. Faire rentrer Brandao. Et pourquoi pas maintenant faire rentrer Brandao. Alors, pour museler un petit peu, pour mettre un petit peu plus de pression sur cette défense interiste qui a montré quelques signes de fébrilité depuis le début du match, me semble-t-il. Ouais, pour pas lancer le débat, on est quand même censé marquer un but maintenant. Est-ce que Brandao, vraiment, c'est l'homme qu'il faut faire entrer au moment où il faut marquer un but? C'est une question. Je ne suis pas sûr qu'il faille marquer de but, en fait. Je pense que on parlait des tirs au but tout à l'heure. À mon avis, c'est la seule solution envisageable. C'est pas ce qu'on peut appeler non plus un but sublime, quoi. Voilà, celui de l'Inter, là. Voilà, on sent que les gars, ils ont la hargne, et on sent qu'ils en veulent. On voit Zanetti se jeter dans les bras du gardien de l'Inter. Je n'en rappelle pas de son nom, mais c'est voilà. Moi, je ne sais pas qui est grand Dao, mais par contre, de but, j'ai la définition sous le nez. Donc, c'était le point visé. Donc, il a visé son point, Brandao. Je ne sais pas si c'est Brandao. Mais la finalité, l'objectif, le résultat désiré, idéal, c'est ce qu'il a eu. Donc, dans le sport, c'est l'espace délimité par des poteaux. Donc, je vois effectivement des poteaux blancs. Donc, le ballon est passé entre les poteaux. Donc, il a eu son but. Et c'est une barre verticale que doit franchir le ballon pour qu'un point soit marqué dans le sport, mais pas que le foot. Voilà. Merci, Emma. Merci. Alors, avant de revenir au terrain pour la fin du match, revenons plus tôt. Mais en fait, ça, c'est le chien de Mickey, comme dirait le shérif. Sur un des grands moments de l'histoire du football italien. Je crois que c'est le moment de parler d'histoire un petit peu. Et d'Italie. Et d'Italie. Le match Italie-Brésil 1982, qui a été le sujet d'une pièce qui a été jouée au Théâtre du Gyptis à Marseille il y a quelques semaines. Une rubrique qu'on pourrait appeler Art vivant et football. Cher Brett. Qui ferait suite à notre rubrique Philosophie et football. Donc c'est un spectacle de la compagnie Tandem, avec à la mise en scène Alexandra Tobelheim, à la scénographie Olivier Thomas, à la diffusion Clémentine Carlsberg, à la musique Jean-Marc Monteira. Ah, Monteira. Ah, on le connaît, les Marseillais, lui, on le connaît. Oui, on le connaît. Ah, on a une objection. C'est Montevideo. On n'a pas d'objection. Donc c'est un texte de Davide Enya, un Italien, et avec sur scène Solal Bouloudnin et Jean-Marc Monteira, donc. Dans cette pièce, Solal interprète un jeune Italien qui a vécu et qui raconte le match Italie-Brésil donc du 5 juillet 1982, qui était donc en Espagne lors de la Coupe du Monde. Espagna 82. Alors pour restituer brièvement, voilà. Je vais juste citer un morceau du texte du spectacle et après on va envoyer un extrait. Parce qu'elle a marqué plus de buts que les Lions d'Afrique du Cameroun, l'Italie passe à la deuxième phase du championnat du monde de football, qui est une poule de trois équipes, desquelles une seule et unique sera promue vers la gloire magnifique de la demi-finale. L'Italie rencontre dans sa poule l'Argentine, championne du monde en titre, et la super équipe favorite du Brésil. Le premier match oppose l'Italie et l'Argentine. L'Italie le joue bien et gagne 2-1. Marco Tardelli et le superbe Antonio Cabrini ont marqué les deux buts. Passarella marque pour l'Argentine sur coup franc. Le second match, l'Argentine championne du monde en titre face à la super équipe du Brésil. Le Brésil sort vainqueur 3-1. Un tout petit but que le Brésil a marqué en plus et qui condamne l'Italie à un seul résultat possible, la victoire. L'Italie devait jouer contre le Brésil, contre le maillot vert et or qu'avaient porté les joueurs. Une poule, c'est un oiseau de basse-cour, non ? Les joueurs qui firent l'histoire et la légende de ce sport appelé football. Pelé, Didi, Vava, Tostao, Rivellino, Manuel Francesco dos Santos, Garrincha. Donc dans ce match que l'Italie remportera finalement 3-2, il y a deux joueurs qui ont marqué spécialement le match de leur empreinte. Donc il y a le formidable Paolo Rossi pour l'Italie et le capitaine brésilien Socrates qui marque le deuxième but de la Seleção. Est-ce que quelqu'un ici se souvient du but de Socrates dans ce match ? Personne ne se souvient de ce but. Même vous, shérif. Eh bien, dans l'extrait du spectacle qu'on va passer, plutôt deux extraits, docteur non plus ? Pas le moindre souvenir. On va vous passer l'extrait qui raconte le but de Socrates et ensuite l'extrait qui raconte le dernier but de l'Italie dans ce match. Tard, le Brésil égalise. Magie de Zico au milieu du terrain et verticalisation immédiate qui est reprise par le capitaine du Brésil dans notre surface de réparation. Socrates, dit le médecin. parce qu'il est vraiment diplômé en médecine. Socrates lève la tête, étudie cliniquement la situation, voit un chrétien de 40 ans devant les buts, et il envoie une balle terrible à la précision chirurgicale près du poteau. Zoff essaie de plonger mais se brise les côtes. La balle passe sous son bras, gonfle le filet, c'est le but. Brésil 1, Italie 1, Socrates. Mais on voit Bruno Conti, le joueur le plus petit du monde, qui prend la balle, la met là où on doit tirer le corner, vers le fanion. Il lève la tête et il voit dans la surface de réparation du Brésil les coudes dans les bouches, les talons qui s'enfoncent dans les tibias, les crachats qui volent de partout, les mères insultées dans toutes les langues et tout le monde qui comprend que c'est sa mère qu'on insulte. Alors là, Bruno Conti dit « Moi-même, personnellement, tel que vous me voyez, je m'en contrefous. Je tire un pointu de tous les diables et la balle, elle va là où elle va. » Il prend son élan, court, dégage la balle du pied gauche et la balle vole vers la surface de réparation du Brésil. Et les joueurs italiens bondissent. Et aussi ceux du Brésil pour prendre la balle tirée par Bruno Conti. Et la balle entre dans la surface de réparation du Brésil. Oscar, le plus grand joueur du Brésil, s'élève, prend la balle de la tête et l'envoie en dehors de la surface de réparation du Brésil. En cet instant, la balle arrive entre les pieds d'un joueur italien qui s'appelle Marco Tardelli, qui saisit la balle au vol du pied gauche en déclenchant un tir d'une énorme et terrible puissance au point que la balle est toute déformée par la puissance de ce tir, mais le tir de Marco Tardelli est aussi fort qu'imprécis et la balle est sur le point de sortir en touche et personne ne veut la prendre cette balle parce que si tu la prends, cette balle, elle t'arrache la tête. Et les joueurs brésiliens se jettent à terre et aussi les Italiens, mais quelle force il a le tir de Marco Tardelli, le tir le plus fort du monde, mais la balle est sur le point de sortir quand le seul joueur dont le sacrifice est inscrit dans les cordes de son âme décide de se sacrifier pour la patrie. Ciccio Graziani dit, le généreux Ciccio Graziani, qui s'interpose et se prend la décharge en pleine tête et s'évanouit. Et nous le laissons là évanoui toute la deuxième mi-temps, mais la balle frappée par le généreux Ciccio Graziani vole vers les cages du gardien du Brésil, Vadim Pérez, qui plonge pour prendre la balle déviée par Ciccio Graziani, qui se trouve à 3 mètres et demi des gants du gardien du Brésil, Vadim Pérez, tendu en vol pour prendre la balle qui se trouve à 3 mètres de ses gants brésiliens, et il rit le gardien du Brésil, Vadim Pérez, parce que il va parer la balle et tous les joueurs italiens retournent en arrière dans leur propre aire de réparation pour ne pas prendre un but dépourvu. Et tous les supporters du Brésil se lèvent et applaudissent leur gardien parce que la balle est à 2 mètres et demi des gants du gardien du Brésil, Vadim Pérez. Et Dino Zoff voit que son collègue est en train de faire la parade absolue. Alors il se jette à genoux, Dino Zoff, et il commence à prier. Sainte Rosalie, patron de Palerme, j'ai 40 ans, mais quand est-ce que je vais la gagner, cette putain de Coupe du Monde? Fais-moi cette grâce, Sainte Rosalie. La balle est à 2 mètres des gants du gardien du Brésil, Vadim Pérez. Et chez moi, nous sommes tous désespérés. Et mon père la serre le canapé et les morts les accoudoirs. Mon oncle Pépé déchire ses vêtements graisseux. Bruno Curcuru mange ses nationalistes en filtre. Vincenzo Filippone devient fou et se saupoudre la tête de café en buvant le sucre parce que la balle est à 1,5 mètre des gants du gardien du Brésil, Vadim Pérez. Ma mère s'agrippe au chevet de mon frère Giuseppe qui crie « Mama, basta, mama !» Pendant ce temps-là, il me vient une idée trop géniale. Tandis que la balle est à 1 mètre des gants du gardien du Brésil, Vadim Pérez, qui commence à rire tout beau, tout content, il montre ses dents blanches, il rit, tous les supporters brésiliens dansent la samba sur les gradins. Alors, je vais voir mon père tout content de mon idée et quand la balle est à 70 cm des mains du gardien du Brésil, Vadim Pérez, des mains gantées. Je vais voir mon père tout content de mon idée et je lui dis « Papa, je peux me crier moi aussi une nationaliste sans filtre ?» Mon père me regarde, il prend son temps, il se tourne et gagne un peu de temps, puis il se tourne complètement vers moi et me fait « Mais fume-la toi, cette putain de nationaliste sans filtre !» Et je cours vers Bruno Curcuru tandis que la balle est à 40 cm des gants du gardien du Brésil, Vadim Pérez. Et Bruno Curcuru me regarde, il cligne l'œil vers moi, il me tend une cigarette et moi, tout adulte, je me grille ma première cigarette. Une nationaliste sans filtre qui me fait complètement tourner la tête et je vois ma mère qui regarde mon père du coin de l'œil en disant « Tous les deux, on réglera nos comptes plus tard. » Et nous sommes tous désespérés, nous pleurons et souffrons et crions parce que la balle est à 30 cm des gants du gardien du Brésil, Vadim Pérez, quand, soudain, du néant, dans les 30 cm, oui, les 30, entre le ballon, oui, le ballon et le gardien du Brésil, Vadim Pérez, apparaît dans un maillot bleu, un joueur tout au maigre, numéro 20 sur le dos, il s'appelle Paolo Rossi. Et dès que Vadim Pérez le voit, il crie « Non, arrière, pas lui, non !» Et il donne des coups de tête sur le sol. À ce moment précis, on compte 57 cas d'infarctus au Brésil. Parce que Paolo Rossi prend la balle, la dévie, l'envoie de l'autre côté, la balle entre dans les cages et fait tous les uns les autres. On se prend dans les bras, on s'embrasse, même mon oncle Pépé, avec tous ses vêtements mal lavés. On se jette par terre, on transpire de bonheur. Oh là là, au-dessus. L'Argos, hein. Au stade, bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, on peut dire quand même que c'est avant tout une pièce formidable. Et, c'était génial, et qu'on ce spectacle. La compagnie Tandem de nous prêter ça. Oui. Mais merci. Retour au stade, oui. Retour au stade. Ah, ici, au stade Giuseppe Meazza, on vous entend mal. Hein, on vous entend mal. Il y a eu des changements. Alors, il y a un changement, effectivement. Je crois que c'est pour faire plaisir à notre auditeur tout à l'heure, mais je laisse Magic en parler. Ouais. C'est Brandao, le Brésilien de Marseille qui vient de rentrer sur le terrain à la place de Loïc Rémy. Loïc Rémy qui n'a pas eu l'occasion de s'exprimer en cette soirée. Nous rappelons qu'il a été blessé pendant 2-3 semaines et qu'il n'a pas pu fournir tous les efforts qu'il fournit habituellement dans ce genre de match. Et malheureusement, on commence à sentir l'expérience italienne. L'expérience italienne qui est en train de... Merci beaucoup, mon cher ami, de prendre le dessus là sur cette équipe olympienne. L'Inter ne fait qu'attaquer. Depuis ce but, ils sont regonflés de confiance et de morale, et on ne sent plus qu'une seule équipe sur le terrain. L'équipe marseillaise tient grâce à un grand Mandanda tout à l'heure encore à la 84e minute, un coup franc excentré sur le côté gauche, et notre grand Steve a dû s'employer pour sortir cette frappe directe qui venait directement dans la lucarne. Et toujours 1-0, toujours un score de parité parfaite sur les deux matchs qui nous conduisent à quoi? Eh bien, au tir au but, au penalty. L'équipe marseillaise a du mal. J'avais promis una trattoria à Madus juste après le match. Il va falloir repousser la trattoria à Madus. Excuse-moi, mais allons, Marseillais. Faites-nous plaisir, faites-nous vibrer, marquez ce but qui éliminerait de facto cette équipe italienne qui n'a pas la classe. Oh là là, oh là là, il y a eu quelque chose là, Magic. Il y a eu un attentat, excusez-moi, un attentat. Et voilà le contre-mené. Voilà, cette équipe, elle a dû répondant. Souleymane Diawara s'est vengé de son copain qui s'est fait descendre à l'entrée de la surface interiste. Le gardien milanais qui relance. Maicon, le brésilien de l'équipe interiste. Pour Schneider, Milito, Zanetti sur le côté droit. Le ballon est récupéré par l'Olympique de Marseille qui va mener une contre-attaque. Brandao qui n'a pas l'occasion de jouer ce ballon. Une faute sifflée par l'arbitre contre Stankovic. Et vous redonne la parole. Il semblerait que Cherou soit rentré sur le terrain aussi pendant que nous écoutions autre chose que le match. Chérif, qu'est-ce qui s'est passé avec Cherou? Je vous entends mal, mais il semblerait que Cherou soit rentré sur le terrain pendant que nous écoutions donc tout un tas de choses fort intéressantes. Et on se pose la question ici, mais qu'est-ce qu'il s'est passé avec Cherou? En tout cas, il semblerait que Cherou soit rentré sur le terrain, Magic. Tout à fait, Cherou est là. Il vient de jouer ce ballon avec Morel sur le côté gauche, Cherou qui repasse dans le centre. Attention à la frappe. Non, c'est décalé vers Espiquita qui centre. Oh là là, le gardien interiste Paulo César qui récupère le ballon du bout des doigts et qui relance sur son côté gauche. L'équipe milanaise repart à l'attaque. Nous sommes dans les dernières secondes de cette deuxième. Est-ce qu'il y a du temps additionnel, Magic? Nous sommes à la 46e, 47e seconde. Et le temps additionnel, Magic, c'est quoi? Il reste 3 minutes à jouer, 3 minutes à tenir pour que, enfin, Didier Deschamps puisse redonner des consignes, refaire partir cette machine marseillaise qui a du mal en cette fin de deuxième mi-temps, qui a du mal, qui souffre. Et il faut dire, je veux pas être trop... Il faut dire que l'arbitre nous a pas très bien aidés en cette deuxième mi-temps. Ça, j'ai entendu. Alors, on entend, ça et là, que l'Olympique de Marseille, cher docteur, resterait sur 4 défaites consécutives. Oh, but de Brandao! Brandao! But formidable de Brandao! À la dernière! Je retire! Qui condamne cette équipe d'Iris! Et surtout, qui qualifie! Brandao! Qui qualifie l'Olympique de Marseille! qui va terrasser Ranieri, l'entraîneur de l'équipe Interiste. C'est formidable, Brandao, Brandao, nous t'aimons. Magic, magic, magic. Avant toute chose, on va retirer tout ce qu'on a dit jusqu'à présent de négatif sur Brandao. Un contrôle du dos. Caramba. Ce but est magnifique. Une petite, un petit contrôle de la poitrine ou on s'en fout du genou et une frappe formidable, plein axe qui trompe le gardien brésilien de l'Inter de Milan et qui ravit Didier Deschamps et ses troupes et son peuple et marseillais. Bon les gars, super. On a alors super. Bon, super. Oh le penalty sifflé par à l'instant même. Ça changerait rien. Magique. Le penalty sifflé et le carton rouge donné à Steve Mandanda à la dernière seconde de cette deuxième mi-temps. Les esprits s'échauffent ici dans le studio. À 2-1 on est toujours qualifié. À 2-1 on est toujours qualifié. Très bien. Effectivement. Mais vous savez qu'en football tout peut aller très vite. Oui, mais et on n'a pas confiance en cet arbitre. Est-ce qu'il y a faute? Est-ce qu'il y a... Bon, il semblerait qu'il y ait faute si on... Ouais, il y a... Bon, voilà. Mais c'est une faute. C'est une faute évitable. Bon, voilà. Voilà, bon. Est-ce que Brandao va passer gardien? La double peine. Brandao va occuper le but. Voilà. Brandao dans les buts. Alors, il y a des gens dans le studio qui pensent que Brandao devrait prendre les... Le plus grand des joueurs marseillais, le plus à même très certainement d'arrêter ce pénalty très certainement tiré par Milito, à moins que ce docteur, soit Schneider. Docteur, on vous laisse commenter le pénalty. Qui est le gardien remplaçant de... Moi, je trouve que celui qui a un t-shirt vert, il est moulin. C'est ce fameux Gennaro Brasigliano. Donc, Gennaro Brasigliano, qui, contrairement à ce que son nom indique, est français, né à... Attendez, Magic, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Là, on sait plus où on est. Alors, c'est vraiment un contrôle Steve du Mandanda s'est fait expulser. Oui, bon, dites-nous. Et tout. Il restait un troisième changement à faire pour l'équipe marseillaise et Didier Deschamps a relancé son deuxième gardien, Brasigliano, qui va occuper le poste pour les quelques secondes qui restent en cette deuxième mi-temps. Et le penalty n'est toujours pas tiré. C'est André Ayou qui est remplacé par Gennaro Brasigliano. Il n'est pas encore tout à fait rentré sur le terrain. Voilà qui est fait à l'instant même. Une petite accolade qui se fait. Et alors, voilà Brasigliano qui va s'installer. Je crois qu'on a un auditeur, Magic. Oui, tout à fait. Allô? Allô, oui. Et déjà question, moi. Allez-y. Oui, allez-y, oui, on vous écoute. C'est Emma qui va vous répondre. Je vous entends pas bien. Et bonjour. Oui, on vous écoute. C'est quoi ton nom? Je voudrais dire la question. C'est quoi ton nom? Oui, on vous écoute. On n'entend pas bien, hein. Et la question. Ah, la question, je peux poser la question? Bien sûr, on vous écoute. Ah, alors la question, c'est que moi je comprends pas comment c'était Brandao. Brandao, comment ça fait que lui il peut avoir le ballon, il peut faire le contrôle, et il peut faire la frappe derrière. Comment c'est comment? Bah, il suffit juste de maîtriser le contrôle du dos. Avant ça, avant il pouvait pas le faire. Alors comment ça fait que Brandao, lui, il peut le faire? Parce qu'avant il pouvait pas le faire. Ah, mais c'est... Oh là là, c'est fini! L'équipe marseillaise est qualifiée! Le coup de sifflet final vient d'être donné par l'arbitre. Marseille est qualifié juste après le but marqué sur penalty par l'équipe Interiste. Mais qu'importe, à 2-1, Marseille était qualifié et Marseille est qualifié, est officiellement en quart de finale à l'instant où je vous parle. Merci les gars, merci Magic, merci Chérif, ça a été vraiment un chouette match avec vous les copains. On reviendra peut-être vous voir tout à l'heure quand même. Hein. On ne vous entend pas bien, mais c'était un chouette match à vivre avec les copains, merci. Alors il y avait une belle question juste avant la fin du match, docteur, à vous d'y répondre je crois. J'ai mal entendu la question. En fait. Comment Brandao a réussi à voler un but alors qu'il réussit pas? Eh bien, Brandao, donc je rappelle l'étymologie du nom Brandao, donc l'éclair ou l'étincelle en portugais. Excusez-moi monsieur, j'essaie de faire un petit peu de culture en ce moment. Donc Brandao, donc l'éclair, a tout simplement contrôlé du dos. Bon, ce qui peut arriver, il a les capacités athlétiques pour le faire. Puis ensuite, il s'est dirigé vers le but. Il a fixé le gardien, un gardien de piètre qualité, par la suite, le but a été marqué, tout simplement. C'est très simple, des schémas classiques en football, tout simplement. On retrouve ça en PH, on retrouve ça en Ligue des Champions. C'est un sport universel. Est-ce qu'on trouve ça en promotion de première division de district ? Je crois qu'on peut retrouver ça en promotion de première division de district, hein, même si le geste est tout de même superbe. Je revois les images maintenant. Grand attaquant que ce Brandao. Cher Brett, là, vraiment, une fin de match époustouflante. On pouvait pas rêver mieux, je crois. On évite les prolongations et on a la qualification, c'est quand même... Alors l'interview de Brandao. Alors Brandao, il répond. Emma, qu'est-ce qu'il dit ? Vous savez lire sur les lèvres, je crois. Ouais, ben moi, je suis trop content d'avoir marqué un but. Et vous êtes très content ? Ouais, moi, ouais, j'avais un petit short qui me tenait bien et le vent, tout ça, m'a amené, oui, direct dans le but. Hop, j'ai marqué. Merci, merci Brandao. Alors, bon, je crois que c'est le moment de reprendre nos esprits. Voilà. Didier Deschamps. Alors, Didier Deschamps, Emma, à vous de nous dire ce qui. Voilà, Didier. Là, on est très contents. On est contents d'avoir gagné. Et grâce à Grandao. Et merci pour les buts, Grandao. Écoutez, quand même, j'ai trouvé bien les coéquipiers pour jouer. Et je suis content. Voilà. Bon, ben, ouais, c'est mon équipe. C'est moi qui l'ai choisi. Merci Didier. Bon, alors, on va pas conclure tout de suite parce qu'on est bien ici. On va faire un petit bilan hein, de ce match, autant émotionnel que structurel. On a un message, je crois, non ? Est-ce qu'on a un message ? Ouais, on pourrait avoir un message d'Emilie, qu'on embrasse, qui est en pleine convalescence et bisous, qui nous écoute. Eh ben, je vais lire le message d'Emilie, qui est à Nantes, c'est ça ? À proximité de Nantes, dans le vignoble nantais. Dans le vignoble. Donc, son message. C'est agréable de vivre ce match avec vous. Le seul inconvénient est que j'ai un décalage de une minute entre vos merveilleux commentaires et l'image. Merci beaucoup pour ce joli moment footballistique. Il me tarde de revivre un match avec vous en live. Bis à tous. Merci Milly, on l'embrasse tous. Milly. Shérif, Magic, on embrasse Milly, non ? On vous entend mal ici à Giuseppe Meazza, mais on était en train de se dire avec Magic qu'on avait une pensée pour Emilie, supporter de la première heure du vignoble nantais, qui est absolument en ce moment d'ailleurs allongée, ivre morte dans le vignoble nantais, et on la salue. Magic. Emma, docteur, un mot pour Emilie peut-être. À la tienne, Emilie. Oui, je n'ai pas l'honneur de connaître cette jeune Émilie, mais nous la saluons si elle se repent de traîner dans le vignoble nantais, bien lui fasse un petit peu de repos. Bien, docteur Lehmann, justement, ça va être votre c'est à vous maintenant d'un petit peu exprimer vos talents, Brett. Oui, donc docteur, comme on a dit, vous avez une activité de chorégraphe, mais vous êtes aussi spécialiste des questions géopolitiques concernant le football. Oui, le football. Le football. Et donc nous vous avons demandé de vous pencher pour ce match, évidemment, sur le cas de Marseille et de Milan. On vous écoute et on en parle ensuite. Donc le premier contraste qui saute aux yeux, si l'on s'amuse à mettre en parallèle les deux villes, c'est bien sûr leur âge respectif. Milan, fondé en Landgrâce 1012, si l'on en croit son étymologie, fait figure de nouveau-né comparé à Marseille, la cité phocéenne, ayant quant à elle récemment fêté son 26e centenaire. On se remémorera à cette occasion, une fois n'est pas coutume, la dette encore vivace qui nous échoua vis-à-vis de nos ancêtres grecs venus poser les premières tomettes de la très prochaine capitale européenne de la culture. On ne manquera pas non plus de souligner que si les phocéens, comme nous les soirs de match, se délectent principalement de grecs, c'est parce qu'ils se trouvent actuellement en Turquie. Notre bonne vieille ville de Marseille a donc 2,6 fois plus âgée que sa rivale italienne du soir. Pourtant, il n'en va pas de même pour les effectifs des deux équipes. À l'Internazionale Milano Football Club, club qui a en effet la réputation d'être aux petits soins pour ses joueurs, l'infirmerie ne désemplit que rarement. Les vétérans s'accrochent à leur prime de match, comme jadis leurs glorieux aînés légionnaires à leur lopin de terre. À moins que trop gourmands, ils ne puissent se dispenser des précieux compléments alimentaires qui relèvent ici pizza et pasta, et qui ont fait la réputation footballistique de l'Italie du Nord. En jetant un rapide coup d'œil à l'effectif de l'Inter, on peut ainsi tomber sur quelques oiseaux rares, tels Javier Zanetti, latéral argentin arborant fièrement 38 printemps, Printemps qui n'ont pourtant pas altéré son impeccable raie sur le côté, découverte lors de la Coupe du Monde 98 et gravée depuis dans les mémoires collectives par le biais d'un célèbre jeu vidéo. Comme un symbole, le stratège olympien Didier Deschamps lui opposait au match aller, à la faveur du remplacement du plus que méritant Brandao, le plus jeune des frères Ayou, âgé de seulement 20 ans et élégamment affublé du prénom Jordan. Pour ceux qui auraient mal saisi mon entrée en matière, ma question tient en peu de mots. La fougue olympienne éclipsera-t-elle cette arrière-garde intériste vieillissante? Et verra-t-on se vérifier l'adage célébré en d'autres temps par un autre Corneille « Aux armes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années ». Chers auditeurs, rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr, en effet, car si ce n'est son heureux dénouement, la partie à laquelle nous avons assisté il y a de cela 3 semaines manquait cruellement d'intensité, en tout cas de panache. Et pourtant, panache il y eut, non pas dans les virages où la moindre goutte d'alcool est désormais prohibée, contrairement à la buvette de Giuseppe Meazza, si j'ai bien suivi le déroulement du match en coulisses, mais bien sur les têtes, panache prohibé, sur les têtes de leurs glorieux aînés, quid des facities capillaires d'un Djibril Cissé, d'un Roberto Baggio, ou plus simplement d'un Chris Waddle. Excepté l'arrêt de Zanetti, qui, faut-il le préciser, n'est pas gardien de but, et si ce n'est les légitimes interrogations sur la blondeur de son coéquipier Forlan, les ornements capillaires des 22 protagonistes illustraient bien ce manque de saveur souvent reproché au football moderne. Désespérément vierge, les crânes olympiens semblaient refléter le calvaire de millions de téléspectateurs. Ainsi, à l'issue du match aller, les commentateurs sportifs ont-ils rendu à l'unanimité un verdict accablant les deux équipes, vilipendant leurs entraîneurs et vouant aux gémonies du ballon rond les pantins désarticulés s'agitant péniblement sur la pelouse. Question subsidiaire donc, est-ce là l'OM que nous aimons ? Reportage audio à la pluie. Il faut bien concéder que cette victoire in extremis au Vélodrome a arraché le peuple marseillais à son habituel scepticisme. En témoigne la bestialité des hurlements, la sauvagerie d'alcoolade non exempte d'une promiscuité heureusement peu perceptible au micro. C'est donc sur cette belle image du chavirement du match aller et du chavirement du match retour, oserais-je dire, un peu téléphoné, non contente d'être télévisé, que nous conclurons, non sans gêne, à ce jeu-là, il n'y a qu'un vainqueur et c'est l'OM. Et puisque c'est un jeu dont nous sommes les héros, poussons tous derrière Brandao. Une chronique prémonitoire. Merci, docteur. Je l'avais senti. Docteur, vous nous époustouflez une fois de plus, je crois. Que dire ? Que dire après votre chronique ? Sinon que peut-être un retour au bord de la pelouse s'impose. Peut-être que, ivre de joie, nos amis Magic et les shérifs peuvent nous donner un dernier sentiment quant à, je sais pas, cette folle soirée. Bah, quant à cette victoire. C'est une victoire. Cette qualification. C'est une victoire malgré la défaite. C'est une qualification, comme vous le dites, Brett. Entaché d'un carton rouge pour Steve Mandanda, ce qui est quand même. Enfin, on va demander à nos hommes de terrain ce qu'ils en pensent, bien sûr. On peut parler de ça, c'est assez préjudiciable pour l'OM. C'est préjudiciable, voilà. Est-ce que Brasigliano sera le Brandao des quarts de finale? Je sais pas. Magic, shérif, à vous. Écoutez, on vous entend mal ici au stade Giuseppe Meazza, mais on doit bien vous dire que dans l'ivresse générale de la victoire qui est une défaite, qui est une victoire, et je dois bien vous avouer que ici l'ambiance est fabuleuse, le Chianti est gratuit. Gratuit le Chianti ce soir. Et effectivement, on se posait la question avec Magic qui revient du et cette pizza Magic. Que pizza, la pasta, viva l'Italia, l'équipe de Marseille a jamais perdu à Milan, et c'était prédit, c'est formidable, et oh, ils sont où, les Milanais, ils sont où, les Milanais, dans nos locaux. C'est formidable et je crois qu'on va pouvoir en débattre tout de suite de cette formidable qualification de l'Olympique de Marseille. À vous les studios. Et je crois qu'il nous reste une dizaine de minutes d'antenne. C'est peut-être le moment éventuellement d'entonner la chanson de la Ligue des Champions. Et oui, vous l'avez eu en introduction. Vous l'avez voulu, cette vous chanson, nous l'aurons une nouvelle on fois. Est champion, on est champion. On écoute. On est champion. On va envoyer la chanson donc de la Ligue des Champions, hein. Bon, voilà, vous voyez à peu près le meilleures équipes d'ici à Berchtesgadenmannschaft du Main Event Meister. Eh bien, chers auditeurs, je crois qu'on a fait un reportage assez complet sur l'événement de ce soir. Je pense qu'on... Bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Alors, on pourrait éventuellement, avant de se quitter, évoquer les résultats des autres huitièmes de finale de cette Ligue des Champions. On se rend compte, un, que le Bayern de Munich a fait contre le FC Bâle... Un carton. 7-0 pour le Bayern de Munich contre le FC Bâle. Qui avait gagné à l'aller 1-0 de manière inespérée. Alors, shérif. Shérif, est-ce qu'on a la parole? Oui, alors on vous entend mal ici à Giuseppe Meazza, mais on vient d'apprendre les résultats de l'autre huitième de finale qui se jouait dans la soirée. Et donc le Bayern de Munich a écrasé, on peut le dire, le football club de Bâle. En même temps, bon, Bâle, c'est cette ville, c'est un trou. C'est une blague qui est un petit peu éculée, cher shérif. Mais en revanche, je tiens à dire que je crains le football club de Nantes n'a pu obtenir mieux qu'un match nul contre le Mans. C'est déjà pas si mal, peut-être, shérif. Ah, je vous entends mal ici avec Giuseppe Meazza, mais on peut-être dire que c'est déjà pas si mal. Bon. Qui pour un match de Ligue des Champions, quand même, Nantes-Le Mans, c'est quand même rare. C'est beau. On verra dans quelques années si les prédictions du shérif ne sont pas les bonnes. Avant de conclure, j'ai envie. Si vous me le permettez, d'un petit peu parler du futur et du coup du futur quart de finale qui opposera l'OM à un autre club de cette chère vieille Europe. Et alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'OM ? Quelles seront ses difficultés ? Est-ce que le match de ce soir laissera des traces ? Brett, docteur, Emma, je vous laisse la parole. On peut lui souhaiter la poêle Nicosie, venger son camarade lyonnais qui s'est fait humilier sur une pelouse un petit peu qui a servi de cimetière, hein, clairement, pour cette équipe lyonnaise qui a certes été valeureuse sur son match aller, mais qui a perdu pied au match retour. Donc moi, la poêle Nicosie, ça me semble l'adversaire rêvé pour ce quart de finale. Je suis pour la qualification, moi. Moi, je rebondirais sur le poêle. Emma ? Parce qu'effectivement, je trouve que le poêle, comme vous disiez... C'est important, il faut qu'on commence à réfléchir à savoir si on veut des footballeurs poilus ou pas poilus. Il y a des équipes qui se rasent, il y en a qui ne se rasent pas. Est-ce que l'OM est voué à être une équipe sans pilosité ? Voilà. C'est une vraie question. Est-ce qu'on aura le temps ? On me fait signe en studio qu'on n'aura pas le temps d'en débattre ce soir. Mais bon. Je crois que ce qu'il faut retenir, enfin moi j'ai envie de donner mon sentiment un petit peu sur le match de ce soir. Je vous en prie, Manuel Amor, qu'on a très peu. Je crois que ce qu'il faut retenir de cette partie de football, c'est que l'OM a su sortir, je crois, de cette spirale négative qui l'entourait depuis quelques semaines en championnat, pour certes perdre ce match, ça, soyons très clairs. Je crois que l'arbitre va mal dormir ce soir, mais bon, je crois qu'effectivement l'OM a su et ça pourrait être un déclic pour la suite du championnat. Ça pourrait être plein de choses, mais qu'en tout cas moi, ce que je conseillerais à Didier Deschamps, c'est de lâcher le championnat et de viser la victoire en Ligue des Champions. Voilà ce que je lui conseille. Est-ce que c'est pas ce qui a un peu déjà été fait au préalable? Marseille restait sur quand même 3 défaites consécutives, 4 on me dit, et on sentait quelque part bien que les joueurs avaient la tête à l'Inter de Milan, peut-être, à vérifier, mais en tout cas il y a un quart de finale à jouer de Ligue des Champions, et oui, on pourrait éventuellement penser que l'OM se concentre sur la Ligue des Champions. Alors, beaucoup d'auditeurs nous demandent si nous serons là pour le quart de finale de cette Ligue des Champions. Écoutez, c'est pas vraiment à nous de le dire. Docteur, un avis sur cette question? Les autorités compétentes sont face à ce problème. Est-ce que le peuple marseillais doit vivre avec des commentateurs pouvant finalement illustrer leur fougue? Ou est-ce qu'on doit se contenter de commentateurs parisiens? Donc voilà, la question est posée, les pouvoirs publics répondront. Et je crois que c'est une sorte de pavé dans la mare que vous jetez, cher docteur, ce soir. Oui, je pense que de temps en temps, il faut savoir mettre ses sur la table. Oui. Couilles. Oui, peut-être couilles, oui. C'est couilles sur la table, voilà. Ou c'est pavé dans la mare. Je crois que c'est aussi un pavé dans la mare. C'est l'objet de cette émission, des bâtons dans Guirou, de toute façon. Donc, Des bâtons dans Guirou, des bâtons dans les roues. De toute façon, ce soir, je crois que la vérité a été faite. Et c'est ça qui est important. Justice. Comme disait Moundir, justice. Brett. Pas Manuel. Mieux. Manuel, pas mieux, non, pas mieux. Un pavé dans la mare, les couilles sur la table, la vérité a été dite. On avait prévu autre chose, peut-être. Bref, on avait prévu tout un tas de débats éventuels, mais qu'on abordera, je crois, lors d'une prochaine retransmission. On avait prévu de parler de la génération roulette. Par exemple, la génération roulette, la fameuse génération roulette. On aurait pu en parler au moment de Olivier Pourriol. On aurait pu, mais on y reviendra. On y reviendra. On aurait pu en parler avec Magic Douima, qui est quand même à 16 heures perdues, hein, un amateur de roulette. Roulotte footballistique, et oui, plusieurs personnes peuvent en témoigner ici, mais bon. Magic Douma est en partie, on n'en parlera pas de la roulette. On aurait également pu évoquer le sujet brûlant dans l'actualité footballistique, qui est celui de l'imposition et du football. Je crois, docteur, que vous aurez des choses à nous raconter la prochaine fois sur ce sujet-là. Vous et vos impôts, docteur. Hein. Quand le football rejoint la politique, je m'écoute. Et puis enfin, on avait prévu également de parler du pain des sportifs de la boulangerie de Notre-Dame-du-Mont. Mais nous laisserons ce dossier un petit peu sulfureux à un prochain reportage radiophonique sur Radio Galère ce soir. Voilà. Brett, docteur, Emma, Magic, Shérif, j'étais très heureux de participer à cette émission avec vous. Merci. C'était très bien. On doit remercier du monde, je pense. On a beaucoup de remerciements à faire. On a le remerciement à Christine et Lucienne, tout d'abord, de nous avoir généreusement et circonstanciellement laissé l'antenne à partir de 8h30. On doit bien sûr remercier Emmanuel Benz de sa présence. Pour la première, c'était quand même pas rien. On doit remercier. On doit remercier Marseille-Provence 2013 d'avoir payé 2 billets d'avion au shérif Bradley et à Magic Douima. Et buvette. Voilà, et buvette comprise. Buvette sans limite. Bon, vous n'avez pas de chambre d'hôtel ce soir, les gars, mais. On se retrouve demain matin. Voilà. Et puis, on remercie aussi la compagnie Tandem de nous avoir prêté ce son. Et ces extraits du spectacle formidable. Qui était formidable. Ouais. Qui était formidable. Voilà. On doit remercier docteur et les consultants, mais Docteur. Docteur, le mot de la fin, quelqu'un peut-être. Non, moi je remercie les auditeurs nombreux, ceux qui ont osé décrocher leur téléphone, car ce n'est pas toujours facile de décrocher son téléphone. Je les remercie de nous avoir fait vivre tous ensemble ce moment fabuleux, la victoire, on peut le dire, de l'Olympique de Marseille à Giuseppe Meazza. À vous les studios. Ciao. On vous entend mal ici à Giuseppe Meazza, mais tout ça pour vous dire que c'est la fête ici à la buvette du stade et il y a bien des vafanculo qui volent par-ci par-là mais dont on ne comprend pas la signification et il faudrait surtout remercier Marseille 2014 capitale de rien qui a aussi participé à nos billets d'avion et puis il y a Alain Bachung est là avec nous ce soir et il va donc nous chanter une petite chanson. Et puis merci au studio, merci à des bâtons d'Anguirou. Et puis on se retrouve pour le quart de finale aller ou pour le quart de finale retour. Merci Alain. Et on vous entend mal ici à Giuseppe Meazza. Une tour Eiffel dans le cul. Mettant plein la vue, mat, aficionado.